Donc la première chose la plus évidente en termes de crise de l'école, c'est que des facteurs économiques vont surdéterminer l'accès à l'éducation et la qualité de cette éducation. C'est-à-dire que l'argent disponible par impôt selon les populations, les origines sociales des classes, la sélection des profs, etc., vont faire que ce soit entre ville, campagne, pays, quartier, entre ville et campagne, selon les pays, selon les quartiers, les structures d'éducation auxquelles on accède sont inégales dans le public comme dans le privé. Donc à cette différence viennent s'ajouter des inégalités de disposition des individus selon nos conditions culturelles, économiques, relationnelles, familiales. On ne vient pas à l'école avec la même approche et la même capacité à se concentrer ou à comprendre. Rien que laisser un enfant regarder la télé avant d'aller à l'école, mais en jeu toute sa scolarité. Ici, Bourdieu, Kevin, viens. Kevin abandonne. Donc c'est ce qu'ont démontré les sociologues, Passeron et Bourdieu entre autres, et on va avoir Jean-Pierre Terrail pour nous parler plus avant là-dessus. Donc si on le sait, qu'il y a cette différence énorme, pourquoi continue-t-on de parler d'égalité des chances et de faire semblant? Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce que c'est un complot judéo-maçonnique? Alors, il y a plusieurs causes. Et comme on est pas mal centré sur l'économie politique, on a insisté sur la fonction de l'école. Malgré les grands idéaux dont elle se réclame, son but premier, historique et actuel, c'est de conformer les jeunes, alors à la fois à l'ordre social et aux exigences du Saint-Marché actuellement, hein, de les préparer à la production telle qu'on veut qu'ils l'exécutent. Donc de les discipliner, les rendre obéissants et productifs, opérer une division des savoirs et les habituer à des techniques d'encadrement différentes qui correspondent à la division du travail. Il s'agit de former des producteurs de richesses plus que des citoyens. Témoin la pauvreté, voire l'absence d'enseignement juridique et philosophique, et le trucage de l'histoire et de la géographie avant les études supérieures. Par exemple, la connaissance du droit devant lequel on est égaux est un privilège dépendant de conditions sociales. C'est rigolo, mais c'est un peu triste. L'école se limite dans tous ses champs à l'apprentissage de la discipline républicaine, plus aux interdits qu'aux droits. À vrai dire, à la réflexion, ça paraît presque un pléonasme et une évidence de dire que l'école formate, c'est son travail. Pourtant, des pédagogies alternatives émergent. C'est le cas sur celles fondées sur des découvertes en neurosciences, c'est-à-dire qu'on apprend mieux dans ce qui nous intéresse, c'est ce que découvrent les neuroscientifiques actuellement, utilisées par Céline Alvarez, de la pédagogie Freinet développée dans les sciences de l'éducation, ou des établissements scolaires autogérés en Suisse, ou celui de Paris qui vient nous parler. Elles sont aussi critiquables, mais ces expériences sont aussi critiquables parce que le problème change quand il devient global. Les expériences ne peuvent pas être considérées comme des preuves d'efficacité à l'échelle d'une société. Mais vu tous les riches qui inscrivent leurs enfants dans ces trucs, il est probable que c'est pas plus con ni improductif. Hein, il y en a énormément des écoles d'éducation alternative en utilisant des neurosciences ou privées. Alors elles sont donc pourquoi pas les utiliser alors les utiliser plus alors pourquoi elles sont aussi peu utilisées? Donc plusieurs problèmes entre autres sont à poser. D'abord, il n'y a pas de volonté d'augmenter le budget ou même d'arrêter de le baisser parce que les effets ne se voient que bien après le mandat. Donc c'est inhérent au système politique actuel. Ensuite, il n'y a pas assez de donc il n'y a pas assez de profs pour l'essence d'une bonne éducation, c'est-à-dire l'attention à chaque élève, ses spécificités, ses centres d'intérêt. Et malgré toute leur bonne volonté et leur gauchisme, les profs sont constamment rappelés aux nécessités du programme et à la cruciale question de la notation ou de la validation d'acquis, qui est corrélative de celle de l'orientation. Ils sont donc pris dans un formalisme dont les critères sont décrétés par un organe central au fonctionnement incontestable. C'est-à-dire qu'il est contestable et qu'on ne le permet pas. Donc, que veut cet organe central? Quelles sont ses motivations, ses croyances, son identité, ses réseaux? Il ne s'agit pas d'un complot, c'est beaucoup plus simple. Ils nous gouvernent. Leurs décrets sont publiés et appliqués. Leur idéologie couvre notre imaginaire, notre presse, notre télévision, notre corps de loi. Pour comprendre l'école, il suffit de comprendre la société, sa vocation première étant de la reproduire comme telle. On comprend l'école et ses enjeux à l'aune des enjeux des classes politiques et économiques. En effet, c'est une erreur de croire que les inquiétudes des politiciens et des grands capitalistes sur l'éducation, ou du moins de croire qu'elles sont les mêmes que les nôtres. L'éducation remplit déjà son rôle. La crise de l'école est une question de critères. En effet, si on arrivait à amener tout le monde au sommet de leur capacité à coup de pédagogie novatrice, les structures économiques sont telles qu'il n'y aurait en fait pas la place pour tous les intégrer. La formation actuelle convient déjà très bien à notre manière de produire, et c'est peut-être elle qu'il faut changer si l'on compte rendre désirable une réforme scolaire. L'individualisme et la compétition permanente encouragées à l'école, malgré les récalcitrances de ces gauchistes de profs, L'efficacité dans l'accomplissement d'une tâche au détriment du développement d'une méthode critique renvoie exactement aux idéologies capitalistes et plus particulièrement néolibéralistes et néoclassiques. Elle nous apprend l'obéissance, la capacité à faire une tâche exigée et à se plier à des critères donnés. Et justifie par le mérite personnel et l'égalité des chances la grande machine à broyer et trier, orienter et rejeter. L'idée n'est pas l'épanouissement, c'est le chacun son rôle, chacun sa place, y compris quand elle est de ne pas en avoir pour dissuader les autres de désobéir. Les scientifiques n'ont pas à faire de l'histoire et de la philo sérieusement, pas à connaître les enjeux de ce qu'ils font, pas plus que les éboueurs, qui sauvent autant de vies que les médecins. Parce qu'on ne leur demande que d'exécuter des tâches. On pourrait penser que ce fonctionnalisme tranche avec les principes de liberté et d'égalité de la trilogie républicaine, qui appellerait une pensée critique, pas dans le sens négatif, on insulte, mais dans le sens réflexif, qui prend en compte tous les enjeux, les conséquences, sur l'école, et qui appellerait une pensée critique sur sur nos actions, nos méthodes et nos systèmes, qui seraient tous à recréer. Mais ces principes sont précisés d'égalité, de liberté, etc., sont précisément réinvestis et redéfinis par l'école et eux-mêmes réduits à une fonction. À l'école, il y a une méthode stricte et simple de la citoyenneté qui tient en un tableau de droits et devoirs d'une page qu'on nous fait bouffer en primaire comme les 10 commandements de la démocratie. Quand on fait de l'histoire et qu'on voit la densité des débats philosophiques qui ont précédé la Révolution, la violence des affrontements des différentes conceptions et leurs implications en termes d'antagonisme de classe ou de religion, le long travail de rejet, d'intégration, de conciliation, d'élimination et d'intimidation entre ces diverses représentations et intérêts, il y a de quoi rire devant ce pauvre consensus de suffrage universel endigué sous le terme de fraternité, c'est-à-dire paix sociale. Il semblerait que pour changer les objectifs de l'école, il faudrait une révolution, plus probablement en tant que changement de mode de production et de système politique. Et on n'y est pas encore. Comme je l'espère assez souligné, l'éducation, l'apprentissage est à penser dialectiquement avec les mutations dans l'économie, le système politique, la culture, le langage. Et la résolution de la crise de l'école ne peut se contenter de céder des neurosciences, que le système n'écoute que quand elle nous apprend à faire des pubs efficaces. L'économie et l'éducation, comme le système politique, sont indissociables. Mais comme dirait l'économiste et sociologue Bernard Friot, on n'attend pas d'un chercheur en sciences sociales qui nous dise comment on va se faire baiser. On le sait qu'on va se faire baiser. On attend du chercheur en sciences sociales qui épie l'émancipation. Alors évidemment, il faut être attentif et ne rien lâcher à ce qui a été durement conquis et ou accordé à contre-cœur par les dirigeants économiques et politiques quand ils n'avaient pas le choix pour X raisons, mais dont ils peuvent maintenant se passer. Le privé qui commence à mettre ses gros sabots et enchaîne les partenariats, la place de plus en plus énorme de l'idéologie de l'esprit d'entreprise et de l'individualisme à l'extrême, l'ignoble réforme de 2005 passée dans l'ombre du CPE, je conseille de voir Franck Lepage, Inculture 2, sur l'éducation, doivent être... Il passe à Romainville, allez le voir. Doivent être combattus. Et ceux qui prônent ces réformes doivent perdre. Il ne serait pas impertinent de détailler et critiquer l'idéologie qui est sous-tendue et diffusée à l'école. La distorsion, la sélection, la hiérarchisation et l'instrumentalisation des valeurs, des idéaux et des principes de la France, de la République ou de la démocratie. Mais aujourd'hui, on avait envie de parler de positif, de projet, de futur. Et puis on n'a pas réussi à joindre Franck Lepage ni à ressusciter Pierre Bourdieu. Alors on a amené du positif à débattre à différentes échelles. Et donc on a le lycée autogéré de Paris, pour voir en détail l'autogestion et comment ça se passe, et Jean-Pierre Terrail pour penser l'éducation globalement et quels pourraient être leurs objectifs, quels intérêts et comment faire pour la changer. Alors on aurait mis un historien pour bien poser le problème politique, mais on manque de contact, donc si vous avez à nous en donner au cas où et qu'on refait un truc du genre, on est preneur. Vous venez nous voir là. Je vous encourage, parce que c'est des thèmes où la propagande est massive et donc nos cerveaux bien pollués de conneries sans nom sur la question, à prendre des notes, mentales ou écrites, de ce qui vous intéresse de retenir, de débattre autour de vous, dans le métro, d'y réfléchir quand vous vous faites chier, bref, de vous réapproprier la question. On vit dans une époque où tout débat est toléré mais confisqué, donc il est important de chercher à choisir nous-mêmes les termes dans lesquels on veut qu'ils se déroulent. Enfin, moi je vous impose de les écouter, après ça part dans le sens que vous voulez et n'importe qui peut répondre aux questions. Voilà, donc les élèves du lycée autogéré de Paris. Oh, il n'est pas encore là. Je prends simplement la parole 2 minutes pour dire que j'ai enseigné pendant 30 ans. Je n'ai pas l'impression d'avoir inculqué le capitalisme sauvage à mes élèves, vu que j'étais totalement opposé, que je suis totalement opposé. Par contre, effectivement, j'ai constaté que l'école ne remplissait plus sa fonction d'égalité des chances. Pour une raison, c'est pas tellement les programmes, c'est pas tellement les méthodes, c'est pas tellement les livres, c'est pas tellement les enseignants, mais c'est tout simplement que les enseignants n'enseignent plus. Et que, comment voulez-vous qu'un élève qui vienne d'un milieu favorisé ait l'égalité des chances à partir du moment où il n'apprend rien à l'école, alors que celui qui vient d'un milieu favorisé apprendra toujours dans son milieu. Et donc l'école n'enseignant plus et n'enseignant plus pour d'autres raisons, et notamment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on confond beaucoup trop l'égalité en droit avec le droit à l'égalité, et donc il n'y a plus d'éducation en général. Comment voulez-vous que des enfants qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas intégré petit les limites, puissent recevoir un enseignement d'un enseignant, alors que cet enseignant ne fait que leur donner des limites, les limites de la lecture, les limites de l'écriture, les limites de l'orthographe, les limites de la grammaire, les limites du calcul, les limites du connaissance. Ces élèves n'ayant pas intégré les limites n'apprennent rien à l'école. Et donc on les laisse tels qu'ils sont au départ, c'est-à-dire avec les inégalités. Le capitalisme, bien sûr, il y a des tas de choses à reprocher à ce capitalisme sauvage, et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense que ça vient bien après ce que je viens de dire. D'accord, bah justement, on a un sociologue qui va pouvoir parler de la question de pourquoi on n'apprend pas certaines choses à l'école. Donc les élèves du lycée autogéré, vous pouvez intervenir. Bonjour, moi je m'appelle Pablo. J'étais au LAP l'année dernière, donc durant toute l'année scolaire. J'ai fait mon année de terminale. Je suis désolé, j'ai rien préparé, du coup je sais pas trop par quel bout le prendre. Ouais, donc avant j'ai fait 2 ans dans le tradi, dans un lycée qui s'appelle Lamartine. Je connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler du lycée autogéré. Pour moi l'école ça a toujours été très chiant et un truc où en fait tu poses ton cul derrière une table. T'es avec 36 autres élèves, c'est le bordel parce qu'on met les bons avec les bons et les mauvais avec les mauvais dans le lycée quand t'es dans le public. T'apprends des trucs qui sont... Enfin je sais pas, moi j'ai pas eu de bons profs, à part en langue. Et par exemple, je prends l'exemple de mes cours de français, j'étais en L, c'était n'importe quoi, on t'apprend rien, on te dit juste « Ah bah ça c'est bien écrit, parce qu'il y a telle ou telle figure de style, on t'explique pas quelle est l'idée derrière, on te recontextualise pas forcément pourquoi c'est bien écrit, pourquoi c'est intéressant, et aucune discussion qui va avec, enfin les gens n'ont absolument rien à foutre. » Du coup, après une longue remise en question et de me dire que bah ça me faisait chier de me taper encore une année dans ce lycée, suite à l'encouragement de certains amis qui y étaient, j'ai essayé de rentrer au LAP, sauf que les inscriptions étaient terminées depuis déjà un moment. Du coup, j'ai un peu forcé, on m'a pris en stage pendant 2 semaines et après j'ai été pris. Moi, c'est un lycée qui m'a beaucoup aidé. Enfin, c'est un lieu qui a totalement changé ma vie, déjà avec les rencontres en fait que tu fais. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture auprès des gens qui est très différente de ce que tu peux trouver, enfin de ce que j'avais trouvé moi dans le tradi, que ce soit d'un point de vue humain, artistique, politique, donc rencontrer des gens avec qui je me sentais un peu plus en accord. Après c'était un peu le truc tout nouveau, c'est-à-dire que moi je me souviens la première jeune année où j'y suis arrivé, je comprenais rien du tout, on était 8 autour d'une table avec le prof. T'avais des gens qui sortaient fumer sans en avoir grand chose à foutre, des gens qui arrivaient 1h15 après le début du cours, qui claquaient la bise au prof et qui venaient se poser dans un coin et qui faisaient autre chose. Du coup c'était assez c'était assez sympa. Moi je donnais envie, en bon branleur que je suis, ça pouvait que me plaire. Je sais pas du tout où j'en suis. Ouais, du coup, il y avait tout ça, et aussi, y avait une toute nouvelle façon de voir l'éducation. Déjà, dans le rapport que tu vas avoir au professeur. C'est-à-dire que tu vas avoir un rapport qui est humain. Je saurais pas vous citer le nom de famille de plus de 2 de mes profs. C'est-à-dire que, donc, on se parle sur un pied d'égalité. Et ça, c'est déjà un premier point, parce qu'en fait, quand t'as des personnes qui sont censées t'aider à décréter ton avenir, mais qui ont le droit divin de t'autoriser à les pisser ou pas, tu peux pas être sur une bonne base. C'est là-dessus, c'est pas possible. Et ça, c'est un des premiers trucs qui m'a frappé au lycée, c'est que la question qui va d'abord se poser, c'est qu'est-ce que toi tu veux faire de ta vie avant de est-ce que tu auras ton bac ? Avant d'essayer de te brûler le crâne, ah, faut que t'aies ton bac, faut que tu taffes, faut que tu fasses ça. Non, c'est toi tu veux faire quoi ? Et en fait, n'hésite pas à prendre plus de temps pour trouver, à chercher, expérimenter. Il y a un système de tutorat, il y a 25 professeurs maintenant. Chaque élève a un tuteur, donc avec qui il va s'organiser vis-à-vis de ses projets, vis-à-vis de son avancement, vis-à-vis de ce qu'il veut faire. Et voilà, il y a aussi, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs différents. Donc déjà, on est moins dans les classes, ce qui est pas mal. Moi, je vous avoue que je suis pas beaucoup allé en cours, donc là-dessus, je serais peut-être pas le mieux placé pour vous en parler. Il y a un truc qui s'appelle les projets, qui a lieu le jeudi après-midi, qui est assez intéressant, qui vise à faire quelque chose de d'un côté scolaire, mais pas du tout. En gros, ça va être créer des sortes de cours de 4 heures autour d'un thème précis. Donc, il y avait comédie musicale l'année dernière. Il y a des élèves qui ont remonté le Rocky Horror Picture Show. Il y avait escalade, donc il y avait un voyage qui menait à escalader. Il y avait projet Andalousie, qui était étudié l'Andalousie, qui ont fait un voyage là-bas. Projet cinéma, projet opéra jazz. Il y avait plein de trucs. Et un truc qui n'a pas besoin de forcément de professeur. Donc, c'est-à-dire que les élèves peuvent monter un projet eux-mêmes. Et on leur donnera les moyens. On leur donnera les moyens d'y arriver et de se bouger le derche. Ouais. Bonsoir, est-ce que je peux monter un projet avec toi ? Bah, t'aurais pu, il y avait un projet rap cette année, enfin il y en a eu à peu près toutes les années, mais qui ont enregistré pas mal de morceaux, qui se consacraient. Et par ailleurs, en fait, si aller en cours, c'est pas obligatoire, passer son bac non plus. Et si on veut, en fait, passer ses journées à faire de la musique et à taffer la musique, c'est possible. Si on veut passer ses journées à écrire, c'est possible. Si on veut passer, en fait, ses journées à militer, c'est possible. Si on veut passer ses journées, alors il y en a pas beaucoup, mais à faire le ménage, c'est possible. Si... Quoi ? Donc voilà, c'est un lycée en fait qui... Moi la première impression que j'ai eue c'était que tout était possible. Est-ce que tu peux juste recontextualiser? Parce que je connais pas du tout ce lycée, par qui, enfin, les financements, d'où ça vient, les subventions, tout ça. C'est juste dans la même, même question aussi, est-ce que tu peux préciser quel type d'école c'était, Montessori, quelque chose, est-ce qu'il y a... Non ? Je saurais pas te dire quel type d'école c'était. Par contre, c'est un truc qui a émergé un peu après 68, qui a été monté par le frère de Cohen Bendit. Je saurais pas vous dire à quoi ça ressemblait au début. En fait, c'est un lycée qui évolue tout le temps. C'est-à-dire que vu qu'il y a des nouvelles personnes constamment, et qu'il n'y a pas un livre saint sacré avec la définition de l'autogestion, parce que l'autogestion, au final, c'est un truc assez vague. Donc ça va être l'organiser ensemble. C'est un truc qui est en constante évolution. Et le lycée dans lequel j'étais, moi, l'année dernière, le LAP, il doit être déjà très différent cette année de ce que j'ai pu voir ou de ce que j'ai pu connaître, ou même de ce que c'était il y a 3-4 ans. Alors il y a 35 ans, je ne saurais pas vous dire à quoi ça ressemblait. Pour ce qui est les financements, il y a 5 ans, il y a une charte d'existence. Vous êtes au courant qu'il y a une charte d'existence qui doit être signée par tous les lycées et le rectorat. Il y a cette charte d'existence qui a enfin été signée entre le rectorat et le lycée. Donc, ce qui lui permet d'avoir des aides de l'État, mais pas d'aide de la région. Donc, la région offre aucune aide. À côté de ça, quand on rentre au lycée, il y a une coopérative pour les élèves d'à peu près 45 euros. Évidemment, il peut y avoir un système de noms. Et il y a aussi, en fait, un truc qui est tout con, mais il y a une cafétéria, des choses comme ça. Et on peut très bien, en fait, faire du café, le vendre à 20 centimes, et ça va dans les caisses du lycée. Il y a des soirées qui sont organisées, il y a des concerts. Il y a plein de choses, en fait, qui permettent de financer le lycée. Par ailleurs, le budget est géré par les élèves. Donc ça, c'est avec l'aide d'un professeur. Mais tous les jeudis matin, de 11h à 13h, si j'ai pas de conneries, il y a différentes commissions. Donc, il va y avoir la commission budget qui va gérer le budget. Il va y avoir la commission cafétéria qui va donc du coup s'occuper de préparer à manger et vendre à manger aux élèves qui le souhaitent. Il y a la RGG. Donc la RGG, c'est un truc assez important. Et c'est par ailleurs peut-être le l'un des seuls petits bémols que je pourrais mettre à ce lycée. Tous les mardis, le seul plage horaire qui sera obligatoire, c'est les GB, donc les groupes de base. Qu'est-ce que c'est que les GB ? On va être, les élèves vont être répartis en 12 groupes avec leurs tuteurs. Et c'est là que vont avoir lieu à peu près tous les votes, toutes les discussions importantes. Il y a un ordre du jour qui est établi en RGG. Il y a une délégation entre chaque vacances qui est établie pour aller en RGG et porter la voix du GB. Et donc voir en fait comment faire avancer le lycée, comment le faire évoluer et au final comment bouger. Le problème qu'il y a avec cette institution qui est le GB et la RGG, c'est que ça a pris un aspect très bureaucratique. Je vais vous prendre l'exemple du vote. Si jamais on veut voter quelque chose, j'ai pas d'exemple concret là tout de suite maintenant. Bon, après un truc tout con. Imaginons qu'on veuille changer le nom d'une salle du lycée. La salle 1, on veut que ça devienne la salle à tomate-oignon. Il y a quelqu'un qui va le proposer en GB. Ça va être discuté la semaine d'après dans les autres GB. Ensuite, il va y avoir une proposition de vote. Il va falloir attendre encore une semaine avant de faire le vote. Et deux jours après, il va y avoir le dépouillement des votes. Et ensuite, on saura le résultat. C'est hyper long. C'est impossible de faire bien avancer un établissement quand on est dans quelque chose qui prend autant de temps. Dans quelque chose qui, donc, du coup, peut aussi tourner en rond. Parce que, par ailleurs, les discussions et les modalités de vote, ça se met sur la gueule à peu près chaque année. C'est assez complexe, au final. Et c'est aussi... Ça, c'est un autre point. C'est aussi très difficile de discuter de ça avec certains professeurs. Et quand on n'est pas forcément d'accord avec comment fonctionne le lycée, d'arriver à imposer totalement sa voix. On est sur un peu d'égalité, mais il y a... En fait, on arrive à une génération où il y a des professeurs de maintenant qui sont des anciens élèves du lycée. Donc, qui étaient au début, qui étaient déjà profs depuis le début. Il y en a deux, trois comme ça. Et c'est assez complexe, en fait, avec certains de discuter et avec certains de faire entendre qu'on n'est pas d'accord et de faire avancer le lieu pour qu'il marche mieux. Moi, j'aurais tendance à dire que le lycée, il est plus co-géré qu'autogéré aujourd'hui. Dans le sens où il y aura quand même en fait un dernier mot qui va revenir à l'ensemble des enseignants, ce qui est normal parce qu'il y a une responsabilité juridique qu'ils ont, mais du coup le lieu va pas forcément au bout du truc. Voilà. Ouais, je vais peut-être laisser la parole à mon ami Dushan qui est ici présent. Salut. Ouais, moi je voulais revenir à ce que tu disais sur la RGG. Parce que, en fait, le truc, c'est que donc la RGG, la réunion générale de gestion, c'est un truc où les gens, ils viennent dire ce qu'ont dit leur GB. Les gens, ils viennent dire ce qu'ils ont dit leur GB. Et ils doivent donner l'avis de leur GB pour que on ait un avis général du lycée. Mais c'est comme c'est un lycée où on nous apprend à bien ouvrir notre gueule et à bien que ce soit nous qui parlons, bah, y a plein d'élèves en RGG qui disent non mais ça c'est mon avis et ils donnent que leur avis et du coup l'avis général du lycée qui a été donné en GB il n'est pas forcément partagé et c'est pour ça que souvent les élèves voient assez mal la RGG, c'est parce que au final c'est une vingtaine d'élèves qui prennent des décisions quoi, mais comme ça tourne souvent et puis que tout le monde discute un peu avec tout le monde un peu tout le temps, c'est pas, enfin ça se gère quoi. Voilà. Alors là, c'est pour si on veut avoir beaucoup de temps de débat, on peut enchaîner tout de suite si vous avez des questions immédiates. Bonjour, j'ai compris que vous aviez donc plus de liberté comparé à un lycée plus classique peut-être, des cours que vous choisissiez. Est-ce que vous avez aussi des cours qu'on pourrait appeler plus classiques, des cours de français, mathématiques, etc. Ou est-ce que c'est vraiment libre à vous de choisir ce que vous faites en fait? Ouais, alors... Moi, j'ai une expérience qui a été que celle de la terminale et au niveau des cours qui varie un peu des autres années, dans le sens où je sais qu'en seconde, il y a beaucoup de mélanges de matières, beaucoup de cours qu'on retrouvera dans aucun autre lycée, et je pourrais pas vous en parler parce que je l'ai pas vécu. Mais en terminale, ça va être plus classique. Ça va être des cours d'anglais, des cours de philo, des cours d'histoire géo, des cours de... Il y a quoi d'autre ? Des cours de littérature. Mais parce qu'en fait, au final, c'est une préparation au bac. Et les gens de terminale, y en a pas mal qui décident de passer le bac, du moins au début. Et Du coup, c'est pour suivre cette formation-là. Donc, ça va s'approcher au niveau des matières un peu plus du tradi. Après, comme je disais, il va y avoir des plages horaires qui sont différentes. Déjà, un truc dont je n'ai pas parlé, qui sont les ateliers. C'est-à-dire que c'est lundi, mercredi, vendredi. Il y a du coup des ateliers, donc il va y avoir atelier chorale, il va y avoir badminton, il va y avoir plein de trucs. J'y suis pas allé, du coup je saurais pas trop non plus vous en parler. Mais ouais, désolé. Là je suis allé une fois en chorale, mais c'était chiant. Oui, donc du coup il va y avoir ça, il va y avoir les projets, il va y avoir l'EGB, il va y avoir la commission. Et plein de trucs en fait. Il y a même, je sais qu'il y a une remise de diplôme pour les secondes et les premières, si je dis pas de bêtises. Et il y a aussi des semaines de stage. Alors qu'est-ce que c'est que les semaines de stage ? Eh ben, il y a plein de stages qui se créent un peu comme les projets. Et c'est sûr, donc du coup une semaine en continu avec après une restitution. Et pareil, là en fait, des élèves peuvent créer des stages sans demander forcément, enfin si, en demandant l'autorisation, enfin en prévenant tout le monde, mais sans faire ça avec un professeur. Notamment, je pense au stage barricade. Ouais, qu'est-ce que... Non. Ah. Il y avait... Nous, on avait essayé de monter un stage Dogme 99, qui était la charte de cinéma qu'a écrite Lars von Trier... Et... 95, pardon. J'ai toujours entre deux. Qui a écrite Lars von Trier et Thomas Vinterberg, qui est un peu pour contrer en fait le cinéma hollywoodien, les blockbusters, tout ça, et qui a un truc hyper vénère sur le ciné. Et si bien qu'en fait aucun film a réussi à ce jour à suivre la charte à la lettre. Du coup, on trouvait que c'était assez intéressant de tenter de faire un court métrage comme ça. Mais ça c'est pas fait parce qu'on est un peu des branlous. Et voilà ce qui est pour les cours et les différences. Je crois que j'ai rien oublié. Ouais. C'est plus une remarque qu'une question. C'est je trouve ça bien parce que ça permet justement de faire un peu ce qu'on essaie de faire ici, c'est de détruire la différence entre les intellectuels de statut et les intellectuels sans statut. Tu vois, genre la différence entre professeur-élève qui n'est pas du tout la même que dans les lycées traditionnels que vous avez. Je trouve ça intéressant parce que c'est plutôt de l'auto-éducation que de l'éducation genre tu vas m'apprendre ce théorème sinon t'es qu'une merde en fait. Et je trouve ça bien. Maintenant, ça peut choquer beaucoup de gens quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'école doit te préparer au marché du travail, par exemple. Et c'est ce que monsieur... Non, c'est pas ce que vous vouliez dire, mais... par exemple, ça peut être compliqué de dire à... Ben, vous êtes des gens de banlieue, vous avez pas le capital culturel, vous écoutez pas Beethoven et tout, et au final, ben, on vous met dans un lycée autogéré, vous allez faire ce que vous voulez, et ça sera jamais validé par la société. Ça peut être un problème pour l'insertion sur le marché du travail, au final. Et il y a ben, la majorité de nos élus qui pensent que l'école doit préparer au marché du travail, à l'insertion professionnelle et tout. Et c'est juste pour noter que, ben, en fait, cette vision de l'école, elle nous a été inculquée, et que c'est peut-être pas le but de l'école en fait. Le but de l'école, c'est aussi peut-être de permettre l'émancipation des gens et l'auto-éducation et d'apprendre à apprendre ce qu'on veut en fait. Et je trouve ça vachement bien ce que vous faites. Et après, je dis juste que ça peut être lu d'un regard méprisant entre guillemets, c'est pas du tout ce que vous avez dit, je répète, par beaucoup de gens en mode ouais d'accord, mais en fait on va élever des punks à chiens quoi. Enfin, ça peut être vu comme ça et voilà. Je vais vous citer un exemple en fait, bah, pour répondre à ça au niveau un peu du mépris que tu peux avoir. Moi j'ai, enfin au mépris pas que tu peux avoir toi, mais que des gens peuvent avoir vis-à-vis de ça. Moi j'ai une pote qui était au lycée Carnot, donc truc un peu où tu taffes, enfin machin. Et le jour où je lui ai dit bah que j'allais rentrer au LAP, elle m'a dit mais putain mais t'es fou, fais pas ça. Là-bas j'ai un pote qui y était et lors des bacs blancs, ils leur ont envoyé les bacs blancs dans une salle sur un ordi, sans prof, pour surveiller. Et c'est comme ça qu'ils ont dû faire leur bac blanc. Tu te rends compte, mais ce que c'est. Mais en fait, le truc, c'est que à l'école et dans le tradi, on t'apprend tellement à juste respecter un ordre que tu comprends même pas en fait que si jamais bah, tu triches à un bac blanc, au final, c'est cool pour toi. T'as peut-être une bonne note, mais aussi ça, en fait, c'est parce qu'il y a un système de notation. Enfin, c'est de la merde les notes. C'est-à-dire que tu vas toujours être dans un truc assez élitiste, assez méritocratique, et tu vas jamais te rendre compte en fait que le taf que tu pourrais faire, bah au final il est pour toi. Moi je suis pas allé en cours de l'année, j'ai pas parce que aussi en fait c'était un peu ma manière d'exprimer que j'en avais marre et que ça me saoulait. Pour autant, bon, bah, à la fin de l'année, je me suis un peu bougé le cul, j'ai eu mon bac. Et j'ai réussi à me démerder même si c'était pas gagné. Mais le problème c'est que en fait si jamais tu te rends pas compte de pourquoi tu fais ça. Et dans mon cas ça a dû être en fait d'un point de vue matériel. J'ai pas de logement, j'ai pas de pas forcément de thunes. C'était bah je savais qu'en fait si j'avais mon bac, j'ai pas d'envie d'études particulières. Mais si j'avais mon bac en fait à côté ça allait être plus simple de pouvoir taffer. Et puis même en fait si un jour je veux reprendre des études, toujours bien de l'avoir. Mais au final en fait c'est un truc que ouais tu dois faire toi-même. Et il y a plein de gens qui le comprennent pas dans... Enfin je t'appelle à discuter là-dessus avec plein de gens. Et qui seraient en fait au final incapables. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin justement. Enfin vu qu'on les a tellement élevés dans tu dois faire ça, il y a cet ordre là, qui arriveraient pas à se dépatouiller. Donc ça en fait ça vient depuis l'enfance, depuis le début de l'école. Pour ça je peux vous conseiller un super bouquin de Loïc Alafert qui s'appelle Requiem des Innocents, qui est très intéressant vis-à-vis de tout ça. Merci. Juste une question. Est-ce que vous savez que deviennent les élèves après ce lycée-là ? Il y a des études, des évaluations qui ont été faites pour savoir ce qu'ils deviennent, ce qu'ils font dans la vie ou je sais pas. Alors moi, j'ai croisé un peu d'anciens lapiens dans pas mal de milieux différents. J'en ai parlé avec des profs parce que ça m'intéressait aussi. Et en fait, il y en a un peu partout. Il y en a qui ont fait des grandes études, il y en a qui... Il y en a quelques-uns qui sont redevenus chasseurs-cueilleurs, il y en a, j'en ai croisé un qui organisait des putains de concerts, et un peu partout, ben, je croise des anciens lapiens ou des lapiens, ou alors des gens qui connaissent des lapiens qui sont dans le même milieu professionnel ou social, quoi. Donc ça se disperse un peu après, quoi, un peu partout. Hein ? Un peu tous. Oui, donc moi en l'occurrence mon frère était au LAP et donc il a maintenant 25 ans. Il a pas eu son bac, mais à côté de ça il a un boulot, il gagne 4000 euros par mois et je pense qu'il s'en sort très bien. J'ai des amis qui étaient au LAP aussi qui s'en sortent plutôt pas mal. Après j'ai des amis qui étaient au LAP et qui s'en sortent pas si bien que ça, mais ça dépend. Je pense que finalement je suis pas sûre que ce soit le seul facteur à prendre en compte en fait pour. Je sais pas si ça marche mieux ou moins bien qu'un système traditionnel, mais je pense que c'est différent et je pense que comme le jeune homme disait, je pense que il y a un moment où on avance pour soi et donc je suis pas sûre que le bac en fait soit un facteur, enfin en dehors du fait que ça t'ouvre à des études supérieures, je suis pas sûre que ce soit le seul facteur de réussite. Alors, ouais, pour une rapide intervention, alors ça c'est le lycée autogéré, mais par contre il y a aussi des trucs de pédagogie alternative dont j'avais parlé plus tôt. Ça pour le coup, ça marche mieux, hein. Ça forme très bien, mais ça c'est cher. Encore quelques petits mots pour dire que on n'est plus ici dans le débat entre libéralisme sauvage et véritable démocratie, mais toujours dans le débat entre égalité en droit et droit à l'égalité. Je suis tout à fait d'accord pour critiquer les méthodes traditionnelles d'éducation, mais par contre, vous l'avez bien dit, une école où tout est possible, est-ce que c'est une école où on éduque ? Est-ce que l'éducation ne consiste pas justement pour un enfant, et même, on peut dire jusqu'à l'adolescence et même peut-être après, est-ce que l'éducation ne consiste pas à faire intégrer des limites ? C'est-à-dire à montrer justement au petit enfant que justement tout n'est pas possible, et que le petit enfant n'est pas tout puissant, et qu'il faut assumer la non-toute-puissance. Est-ce qu'en disant aux petits enfants que tout est possible, est-ce qu'on ne les prépare pas à être éternellement des gens frustrés parce qu'ils s'apercevront dans la vie que tout n'est pas possible ? Ok. Ça, tu parles des petits enfants, et moi ça me rappelle un reportage qu'on avait vu au lycée sur justement une école primaire en Allemagne qui était complètement autogérée, encore plus que nous. Et en fait, même nous qui étions au lycée autogéré de Paris, on avait été étonnés de voir à quel point en fait les limites ils se les fixaient tout seuls. Et les professeurs étaient là pour les guider, mais ils faisaient vraiment... les élèves se fixaient vraiment leurs limites tout seuls et ils n'étaient pas du tout frustrés, au contraire, ils faisaient vraiment ce qu'ils aimaient. quand ils sentaient qu'ils avaient besoin de travailler dans une matière, ça pouvait être des maths, du français, de la musique, de l'histoire, n'importe quoi, ils allaient voir un professeur et lui demandaient « Tiens, je veux bosser là-dedans ». Et pareil, les élèves qui ressortaient de là, ils ressortaient aussi bien instruits que dans n'importe quelle autre école. Après, je sais qu'au LAP, il y a des élèves, moi j'ai vu des élèves en stage d'entrée, qu'on dit « Non mais ça va pas du tout me plaire, je peux pas, moi, il faut qu'il y ait un truc carré autour de moi qui m'encadre, je peux pas rentrer là-dedans. » Ou même plein de gars qu'on lâchait au bout d'un moment parce qu'ils branlaient rien, quoi. Mais je sais qu'enfin, il y a plein d'élèves qui se fixent leurs limites tout seuls et qui sont guidés juste par les profs, quoi. Alors, juste, on m'a dit de préciser où était le lycée, c'est dans le 15e arrondissement de Paris, à Porte de Versailles. Ouais, j'aimerais juste rajouter un truc avant ça, vis-à-vis de tout ça. Il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Where to Invade Next. C'est le nouveau film d'un réalisateur qui s'appelle Michael Moore et qui à un moment va en Norvège pour voir le système éducatif norvégien, donc pour tout ce qui va être école primaire, et qui est un système qui est en soi très autogéré et très libre. Et il y a une professeure qui intervenait et qui disait bah moi avant j'étais prof aux États-Unis et quand j'étais en primaire et qu'en fait elle disait qu'il y avait un truc qui était pas possible pour elle de dire c'est tu feras ce que tu veux plus tard, tout est possible. Alors que là-bas, c'était beaucoup plus possible, et en Norvège, elle y croyait, en fait, quand elle le disait. Elle n'avait pas l'impression de mentir à des enfants. Il y a Stieg Dagerman qui a écrit un jour « La liberté commence par l'esclavage ». Moi, je pense que l'esclavage, en fait, on l'a déjà eu. Et la liberté, c'est... Et je critique le système traditionnel parce que moi, j'ai une mauvaise histoire avec. Je pense qu'il n'est pas forcément bon. J'ai pas eu de professeur plus que ça. Après, c'est les profs que j'ai eu, c'est mon vécu à moi. Et c'est ce qui... J'entends rien du tout avec... Il n'est pas question de comparer une éducation avec l'esclavage. Il est bien évident que tout le monde est contre l'esclavage. Mais l'éducation est une autorité, ce n'est pas l'esclavage. Il n'est pas question d'ailleurs de faire obéir les élèves. Il est question que les élèves obéissent à des règles. C'est pas la même chose. Merci. Moi, je pense que tout dépend de où sont les règles. Et qu'est-ce que c'est que les règles ? Si les règles, c'est tu vas pas sortir pisser. C'est non, en fait, t'as des sales notes parce que on t'a pas expliqué forcément pourquoi en fait travailler ça, c'est intéressant. Je suis désolé, mais en fait, moi, je comprends pas comment des élèves de 12-13 ans peuvent tilter en quoi apprendre je sais pas quoi en mathématiques qui va être des trucs qui leur serviront pas forcément plus tard, à part s'ils font des études dans ce milieu-là ou dans le milieu scientifique. Vont voir pourquoi ils doivent taffer ça et pourquoi en fait ça va définir leur avenir. Encore une fois, quand on est jeune, en fait, on est jeune et oui, on a des rêves et c'est normal d'avoir des rêves quand on est jeune. Oui, on a des envies et encore heureux et c'est normal de les avoir et ce serait normal en fait de pouvoir les réaliser et de voir en quoi ça peut être possible et que ce soit pas limité en fait à un apprentissage qui va être au final vénère et qui va juste résulter de la fin, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont regarder les notes que t'as eues, qui vont voir si jamais en fait t'es un peu agité en classe, qu'est-ce qu'on s'en fout que tu sois agité en classe en fait. L'intelligence, c'est pas ça. Ça veut pas dire que tu vas être incapable à faire ce que tu veux. Moi le problème que j'ai avec le système traditionnel, c'est que je le trouve trop fermé et trop bloqué et qu'en fait il ferme la porte à plein de gens, plein de différentes personnes. J'ai rencontré des gens qui étaient absolument brillants et qui au final en fait avaient. Je vais vous prendre l'exemple d'un mec qui est incroyable, qui a un CAP soudure. Qui a écrit des textes magnifiques, qui a une culture de ouf, mais qui en fait racontait que l'école pour lui, ça a été quelque chose d'hyper compliqué. Pourtant, en fait, je connais aussi une meuf qui a eu 20 partout au bac et qui s'est pas pensée, qui est bête comme c'est pas permis, qui a pas de culture et qui tilte pas grand chose au monde qui l'entoure et à la vie. Pour tout ce qui est système traditionnel, moi je pense que c'est un truc qu'il faut changer. Tout à l'heure, on parlait d'égalité des chances, et je sais pas, c'est une idée comme ça qui me traverse l'esprit à me dire que finalement, cette alternative, cette éducation alternative, est-ce que elle aussi, est-ce qu'on peut pas parler d'inégalité des chances, même dans ce type d'enseignement ? Exemple, le lycée, il est dans le 15e. Est-ce qu'il y en a en banlieue ? Voilà, est-ce que cette information est communiquée plus largement ? Enfin voilà, pour moi, il y a quand même l'inégalité des chances qui revient ici aussi, qui résonne et qui fait écho. même dans ce type de, d'éducation et de pédagogie. Il y avait une élève qui venait de Normandie. Ouais. Je pense que ces élèves-là qui fréquentent ce type de lycée ont quand même derrière eux des familles qui peuvent les soutenir et il y a quand même une culture et une éducation qui leur est donnée. Enfin, je sais pas, un petit jeune Mohamed qui vient d'une famille qui a immigré du Maroc et dont les parents sont illettrés n'aura pas cette information-là et ne sera pas sensibilisé de la même manière que cette jeune fille qui est venue de Normandie. On lui a donné les moyens de venir étudier. Je suis tout à fait d'accord avec toi en fait parce que les lieux alternatifs au final faut soit baigner un peu dans cette culture, soit connaître des gens qui y sont pour pouvoir y accéder et c'est clair que là-dessus bah oui il y a des gens en fait qui viennent de Normandie, de plusieurs villes différentes de banlieue mais en fait au final c'est bah soit parce que leurs parents connaissaient, soit parce qu'en fait il y avait des potes qui y sont qui connaissaient et qu'ils ont pu en entendre parler et quand il y a des dans les trucs de réorientation c'est pas forcément quelque chose qui est proposé le LAP dans les autres collège, lycée, école et au final en fait ouais il y a pas là-dessus il y a pas forcément d'égalité des chances parce que ça va être les rencontres que tu vas faire et les gens qui t'entourent qui vont faire que tu puisses y être. Je connais une personne qui était au LAP qui au final en fait y est rentrée parce qu'elle avait vu un reportage qui parlait de ça et que ça l'a tenté. Mais ouais il y a pas d'égalité des chances là-dessus c'est clair. Je voulais revenir sur la remarque du monsieur avec le t-shirt bleu. Je voulais revenir sur votre remarque. En fait, je suis d'accord avec le fait qu'il faut des cadres. Okay. Mais le truc, c'est de quelle manière sont imposés les cadres. Il y a des cadres dans les lycées autogérés, à mon avis, et un peu comme ici. Genre, on arrive sur une place, on discute entre nous, il n'y a aucune règle formelle. Mais ces règles arrivent de manière informelle. Il y a toujours une forme d'État qui se reproduit, même dans des sociétés sans État et tout. Et donc ces choses-là existent. La question, c'est comment ces règles sont appliquées. Je vais finir ma phrase quand même. Comment ces règles sont appliquées. Dans l'école traditionnelle, c'est de manière très transcendantale et qui viennent du haut. Et dans les lycées informels, enfin les lycées non traditionnels, c'est une forme de transcendance mais qui part des élèves et donc il y a quand même un cadre il y aura toujours un cadre dans toute société il y aura toujours un cadre qui soit formel ou informel donc c'est pas une absence de règles c'est juste une redéfinition des règles elles sont différentes les règles et appliquées de manière différente et je suis d'accord avec le fait que les règles sont nécessaires à l'émancipation. Il y a une maison d'édition qui s'appelle Les Liens qui Libèrent et ben, il y a certaines règles qui permettent l'émancipation. C'est juste que comment définir ces règles-là, c'est une alternative que je trouve intéressante. On est vraiment toujours dans le problème d'égalité en droit et de droit à l'égalité. Effectivement, s'il y a égalité entre les enfants et les parents et les enseignants, effectivement, tout le monde peut établir des règles. Mais il me semble que si tout le monde peut établir des règles, il n'y a plus de règles. Tout simplement. Non, il n'y a plus de règles. Si ce sont les enfants qui établissent leurs règles, il n'y a plus de règles du tout. À mon avis, il ne peut pas y avoir égalité entre les parents et les enfants, entre les enseignants et les enfants. Ce n'est pas possible. Comment éduquer un enfant ? Et je rappelle que l'éducation, c'est l'apprentissage de la non-toute-puissance. Comment éduquer un enfant si c'est lui-même qui fixe ses règles ? Alors, ce que j'ai compris, mais je suis pas sûre, c'est que vous définissez collectivement vos règles et après vous les suivez. Donc pour moi, c'est simplement que c'est les profs et les élèves qui votent ces règles, mais ça change pas le fonctionnement. Il y a des règles et c'est pas les enfants font ce qu'ils veulent. Enfin, c'est pas ce que j'ai compris. Moi, je voulais juste, je sais pas, c'est bon, c'est trop fort. Ah, c'est trop fort. Ah bon. Bon. C'était juste pour... Moi, je voulais parler des notes à l'école. Moi, j'en parle souvent, mais les notes à l'école, c'est l'horreur. Moi par exemple, j'ai bossé en usine à la chaîne. Et je bossais avec des mecs à l'usine. Et les mecs, ils me disaient, de toute façon, tu sais, moi... Alors, je leur demandais si... Je comprenais pas ce qu'ils aimaient bien. Ils savaient, leur boulot avait pas l'air de vraiment les déranger. Enfin, ça les emmerdait parce que c'était pas cool, quand on bossait à la chaîne. Mais ce qu'ils disaient les mecs, enfin il y en avait un qui me disait ça un jour, et ça m'avait fait super réfléchir, il m'avait dit, tu sais moi, ce métier, en fait, ça me convient. J'ai pas besoin de réfléchir. Il dit, de toute façon, je sais pas réfléchir. J'ai toujours été nul à l'école. Voilà. Il m'avait dit ça. Il m'avait dit ça, pourquoi ? Parce que, à l'école, on a un système de notation. On a un système de notation qui vous met des 15, des 18 pour ceux qui vont bien, et puis qui mettent des 2 et des 3. Et t'as des gens comme ça qui vont rester frustrés toute leur vie. Et il y a même des gens qui intègrent, comme mon collègue de travail que j'avais rencontré, qui vont intégrer, qui sont nuls. Alors que c'est pas vrai, il n'y a personne de nul, on peut reprendre l'école à n'importe quel âge. Bref, le système des notations, c'est une horreur. C'est une horreur parce qu'en fait, ça met les gens en concurrence. Et ça les met bien dans notre système capitaliste qui est la concurrence. Hein. Et voilà, quoi. C'est vraiment un problème. Les gens, ils sont en concurrence. On devrait partager le savoir. Et avec les notes, on partage pas le savoir. Si tu copies pas sur ma copie, quoi. On se cache parce que, alors que normalement, l'idéal, ce serait de partager le savoir. Ça fonctionnerait beaucoup mieux si on partageait le savoir. Et il est là le problème. Et c'est parce qu'on n'est pas dans les sociétés démocratiques où on apprend à partager, justement, et à l'égalité, etc. Voilà. Enfin bon, c'était pour juste parler du système des notations. Je trouve ça vraiment, vraiment infect, quoi. Enfin bon, voilà, ça crée des générations de gens frustrés qui intègrent même pour certains qui sont nuls alors qu'il n'y a personne de nul. Alors on était censé avoir deux interventions et du coup on va devoir, je suis désolé mais vous pouvez noter, on va devoir prendre le débat après parce que sinon monsieur va jamais passer. C'est inadmissible pour vous et... Mais on va jamais s'arrêter en fait. La dialectique, ça marche. Il y a thèse, antithèse, synthèse, antithèse, synthèse. Il est bien évident que dire qu'un élève est nul, c'est absolument inadmissible. Je suis tout à fait d'accord. Je me suis toujours révolté à l'école contre les enseignants qui disaient qu'un élève était un bon élève. Parce que c'est tout aussi inadmissible de dire qu'un élève est un bon élève. L'enseignant n'a absolument pas à juger l'élève. Il doit juger son travail à un moment donné sur une question précise. Mais vous voyez la dérive ici actuellement, c'est pour ne pas dire qu'un élève est mauvais, et bien maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va lui mettre des bonnes notes pour pouvoir dire qu'il est bon élève. Mais on est toujours dans la même dérive, c'est-à-dire on est toujours en dehors du problème, alors que normalement on n'a pas à dire qu'un élève est mauvais. On doit juger son travail, point, c'est tout. Alors accuser ce système traditionnel, je dirais c'est un petit peu comme il y a un certain temps quand on parlait d'anticommunisme primaire, là excusez-moi, mais la critique est un peu primaire aussi je trouve. Écoutez monsieur, moi j'ai une solution vis-à-vis de tout ça en fait qui est assez simple. Ça pourrait être supprimer les notes. En fait, je vous ai écouté, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Ça va commencer en fait par supprimer les notes. Pourquoi supprimer les notes en fait? Parce que je considère que c'est pas utile et en fait on va pas se rendre compte de ses capacités vis-à-vis de ses notes. Ça va être ensuite d'avoir un véritable rapport avec chacun de ses élèves en fait. Pas un rapport prof à élève et enfin, un au-dessus et un en bas, ça n'a pas de sens. C'est des êtres humains en face de nous. Alors, oui, en fait, les classes dans les tradis sont surchargées et plus de 30 personnes dans une classe, c'est pas normal et c'est pas normal qu'il y ait aussi peu d'effectifs. Et ensuite, merde, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. Bon, écoutez, si vous voulez, on peut en discuter après. Moi, j'en serais très heureux. Et je voulais juste terminer sur un truc vis-à-vis du traditionnel et en fait, en quoi je... En fait, je trouve qu'il faut le changer. C'est une question que je me pose. Pourquoi dans le tradit, en histoire, on nous enseigne la décolonisation, mais pas la colonisation? Voilà, juste comme ça. Salut, punchline de fin. Je vous fais des bisous. On y passera après. C'est pas que je veux couper le débat, c'est juste qu'on peut le reprendre juste derrière. On a un autre intervenant, il pourrait avoir un gros apport sur ce qu'on va dire. D'accord. Donc Jean-Pierre Terrail, sociologue de l'Église. Merci, bonjour. Donc, je suis Jean-Pierre Terrail, sociologue, retraité. Il faut parler très près, voilà. Donc Jean-Pierre Terrail, sociologue, universitaire, retraité. Je vais parler de l'école en descendant peut-être un petit peu le débat par rapport à ce qui vient de nous occuper. Quand on s'interroge sur ce qu'on veut faire de l'école, je crois qu'il y a trois questions à se poser. Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux jeunes générations? À qui on veut le transmettre? Et comment on veut le transmettre? La question « qu'est-ce qu'on veut transmettre ?» est une question très compliquée. C'est la question des contenus. C'est pas aux experts de la trancher, même s'ils ont des éléments de réflexion importants à apporter. Dans mon groupe de travail, on a ouvert la réflexion sur cette question des contenus, mais c'est énorme, on en a pour quelques années. Par contre, on a bien avancé sur la question de comment on veut transmettre et à qui on veut transmettre. La démarche de pensée que je vous propose sur les questions de l'école, elle a deux caractéristiques. La première, c'est qu'en partant de l'idée que la mission historique de l'institution scolaire depuis 5000 ans, c'est de permettre l'accès à la culture écrite. L'école se charge d'autres missions, mais celle-là est fondamentale. S'il n'y avait pas celle-là, il n'y aurait pas besoin d'école. Cette mission, je pars de la conviction que l'école devrait l'accomplir avec tous ses publics. Pourquoi ? Parce que dans notre société, on n'est plus à l'époque où, dans l'entre-deux-guerres, Célestin Freinet souhaitait que l'école primaire fasse de bons ouvriers capables de se défendre, de réfléchir et d'agir en citoyen. Nous sommes dans une société très complexe, de plus en plus développée, où la participation à la vie économique et sociale, la participation au débat économique et social exigeront, dans une société démocratique, que la quasi-totalité de la population dispose d'un haut niveau de ressources intellectuelles, de connaissances, de capacités de réflexion. Admettre aujourd'hui, continuer à admettre comme nous ne l'admettons pas, mais c'est la réalité de la situation, que chaque année 150 000 jeunes, 20% de chaque génération, sortent du système scolaire, selon l'expression convenue, en grande difficulté de compréhension de l'écrit, c'est admettre que dans 10 ans, dans 20 ans, une forte partie de la population sera tout à fait exclue de la participation à la vie sociale. C'est par conséquent admettre de lourds dangers pour l'avenir démocratique de notre pays. La seconde caractéristique de ma démarche, c'est que plutôt que de partir d'un modèle a priori, de dire tiens ça, comme ce qu'on vient d'entendre, ça c'est super, les jeunes s'y trouvent bien, ils sont libres, etc. Moi je suis chercheur, la démarche de la recherche consiste à se demander, consiste à prendre en considération l'expérience historique, à interroger l'expérience historique et à essayer d'en tirer les conséquences. Partons donc, si vous le voulez bien, de cette expérience historique. Très rapidement, en 1946, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait en France 4% de bacheliers. Aujourd'hui, il y a près de 70% de bacheliers. Et pour comparer ce qui est comparable, on peut dire qu'au 4% de 46, aujourd'hui, on peut mettre en face les 35% de bacheliers d'enseignement général, ceux qui ont le plus de chances d'entrer dans l'enseignement supérieur et d'y décrocher un diplôme. Cette expansion absolument considérable, cette explosion des scolarités a profondément transformé la société française. Mais elle s'est accompagnée d'un maintien des inégalités scolaires et subsiste aujourd'hui, comme je le disais il y a un instant, un taux d'échec scolaire tout à fait considérable. Dans les années 60, 11% des enfants d'ouvriers décrochaient un bac. Aujourd'hui, 22% des enfants d'ouvriers décrochent un bac général. C'est multiplié par deux. C'est évident que pour les catégories populaires de la population, c'est un progrès tout à fait sensible. C'est un progrès tout à fait sensible et positif. Dans la même période, la proportion d'enfants de cadres, d'intellectuels, etc., qui ont décroché le bac, cette proportion, elle a augmenté encore plus vite que pour les enfants d'ouvriers, si bien qu'il y avait 45 points d'écart dans les années 60 entre les enfants d'ouvriers et les enfants de cadre. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 50 points d'écart. L'on veut, comme je pense, parce qu'il s'agit d'un enjeu crucial, je viens de le dire, pour notre avenir démocratique, si l'on veut changer les choses à cet égard, il faut comprendre pourquoi cette persistance des inégalités scolaires. À cet égard, j'ai entendu parler d'égalité des chances. Je rappelle que c'est dans les années 90 qu'on a commencé à ne plus parler d'école de l'égalité des chances. Parce que ça faisait 30 ans. Je rappelle que le système éducatif dans lequel nous vivons, il s'est mis en place à partir du décret Berthoin de 59, qui était ministre de De Gaulle, ce décret qui porte la scolarité obligatoire à 16 ans et qui organise progressivement la généralisation de l'entrée de tous les élèves au collège, alors que jusque-là, la grande masse de la population se contentait de l'enseignement primaire, dans le meilleur des cas, de l'enseignement primaire supérieur. Cette transformation des structures du système éducatif va très rapidement poser le problème d'une masse de jeunes qui sortent de l'école primaire et qui arrivent au collège, et les enseignants de collège trouvent que ces élèves sont mal formés, ne sont pas assez bien formés pour pouvoir suivre une scolarité secondaire. C'est à partir des années 70, dans la foulée donc, que va se développer ce qu'on peut appeler aujourd'hui la modernisation pédagogique du système éducatif. L'éducation nationale, on peut cracher dessus, c'est pas les lycées autogérés. Cela étant, on est loin pour autant de ce qu'était l'enseignement magistral traditionnel sous un certain nombre d'aspects sous lesquels on pourra revenir si vous le souhaitez dans le débat. Cette rénovation pédagogique, quand on regarde les choses d'un peu près, on s'aperçoit, petit un, qu'elle est faite donc à l'intention des jeunes d'origine populaire, avec le souci de leur permettre de poursuivre plus longtemps leurs études dans l'enseignement secondaire. Petit deux, que préside aux modalités de cette rénovation pédagogique ce que j'appellerais un bon sens pédagogique, qui consiste à tenir le raisonnement suivant. Voilà des élèves qui sont en difficulté par rapport aux apprentissages qu'on leur propose. Ça veut dire que ces apprentissages sont trop difficiles. Par conséquent, pour les garder à l'école, il faut rendre ces apprentissages plus faciles. Il faut également, parce que ces élèves viennent de familles dans lesquelles on n'a pas une appétence spontanée pour les savoirs, il faut rendre ces apprentissages plus attractifs. Donc, il faut mettre en place une pédagogie plus concrète, une pédagogie plus ludique. Ce sont des dispositifs pédagogiques et des pratiques d'enseignement qui vont se mettre en place et se développer à partir de là. Et c'est toujours dans ce même sens de recherche de pédagogie plus concrète et plus ludique que l'on va, pendant les décennies 1970, 1980, 1990, chercher à résoudre la question de l'échec scolaire dans les milieux populaires. C'est dans les années 90 qu'on se dit ça marche pas, et que on se met à ne plus demander à l'éducation nationale de réaliser l'égalité des chances. Mais la question qui devient dominante, c'est il ne faut pas laisser les jeunes en difficulté sortir sur le marché du travail sans aucun bagage, sans aucune formation. Et cette ligne de pensée-là, elle va revêtir la forme pratique des politiques de socle commun. C'est le socle commun Fillon en 2005-2006. C'est le socle commun Payon qui continue à se mettre en place. Autrement dit, c'est une ligne de renoncement à la réalisation d'une école de la réussite pour tous, Et c'est une politique de renoncement à laquelle se sont ralliés aussi bien la droite que le Parti socialiste. La ligne, pour autant, du bon sens pédagogique que j'évoquais tout à l'heure, reste la ligne dominante, et l'actualité nous en fournit une excellente illustration sous trois formes. L'année 2015-2016, en termes de politique scolaire, de quoi a-t-on entendu parler ? D'une réforme de l'orthographe, on va écrire pharmacie avec un F et plus avec PH. C'est pas un mauvais coup de plus de Hollande contre les Grecs, non, c'est une volonté de rendre l'écriture du français plus phonétique et donc plus facile pour les enfants, donc toujours la même idée, faciliter les apprentissages. On en a moins entendu parler, mais dans le même temps, il y a des projets d'harmonisation du lexique numéral à base décimale à la belge, si vous voulez, remplacer les termes du lexique numéral qui sont à base 20 par des termes qui renvoient à une base décimale. On ne va plus parler de 70, de 80, de 90, mais comme les Belges de 70, d'octobre, de 90, là encore dans l'idée de faciliter les apprentissages pour les élèves. Troisième exemple, la réforme du collège et l'introduction dans la réforme du collège des enseignements pratiques interdisciplinaires. Au nom de quoi ? Au nom du fait que l'apprentissage des disciplines pour toute une partie des élèves est trop difficile, trop ardu, trop abstraite, qu'il faut leur faciliter les choses, et donc pédagogie attractive, pédagogie ludique, avec la mise en place de projets interdisciplinaires et toujours accompagné d'un souci de moralisation des classes populaires sous la forme des éducations à, éducation à l'environnement, éducation à la santé, éducation à la citoyenneté. Sur la base de ces constats, qu'est-ce qu'on peut dire ? La recherche nous dit des choses. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Depuis la thèse aux États-Unis de Howard Becker sur les institutrices de Chicago, elle nous dit premièrement que la tendance à mettre en œuvre un dénivelé d'exigence à l'égard des élèves, à l'égard des bons élèves venant de ce que Bourdieu appelait les héritiers du capital culturel, on pratique une politique d'exigence intellectuelle. À l'égard des élèves en difficulté, on a de cesse de tenter de réduire toujours plus la difficulté, de la contourner toujours plus, de faciliter les apprentissages. Cela, c'est à la fois une pratique d'institution, mais c'est aussi la pratique spontanée de la grande majorité des enseignants, et nous disposons d'un ensemble très divers en Angleterre, aux États-Unis, en France, d'observations dans les classes qui montrent comment les enseignants, au fond, pratiquent différemment d'un établissement à l'autre quand il s'agit d'établissements qui ont des publics socialement différenciés. On sait bien qu'au collège Henri IV à Paris 5e, on n'enseigne pas de la même façon qu'au collège François Lursa à La Courneuve. Dénivelé d'exigence d'une classe à l'autre, je rappelle que dans les collèges en France, plus d'une classe sur deux est une classe de niveau. On met les bons élèves ensemble, les mauvais élèves ensemble. Et l'exigence des enseignants n'est pas du tout la même selon le type de classe. Mais au sein même d'une même classe, dénivelé d'exigence selon les élèves. Je prendrai qu'un exemple qui est extrêmement parlant. En classe de, je ne me souviens plus, CM1, une leçon sur la diagonale. L'enseignant a fait tracer un rectangle où il a diffusé des photocopies avec un rectangle. Et il veut montrer ce que c'est qu'une diagonale. Il a fait pédagogie différenciée. Il a fait trois groupes d'élèves, les bons, les moyens, les plus faibles. Au bon, il dit, ben, vous tracez la diagonale. Au moyen, il leur dit, vous prenez votre règle et vous allez d'un angle à l'angle opposé. Donc là-haut, il y a au moins la notion d'angle. Et au groupe des faibles, il leur dit, ben, vous prenez votre règle. Vous voyez, vous la mettez là-haut dans un coin. Vous cherchez l'autre coin, là, et avec votre crayon, vous suivez la règle. Voilà. C'est ce qui s'appelle la pédagogie effectivement différenciée, qui montre bien, on a des tas d'exemples comme ça, qui montre bien que au sein même de l'école unique, au sein même des classes, tous les élèves ne reçoivent pas la même éducation. Il pleut toujours où c'est mouillé, c'est vrai, et c'est pratiqué spontanément par les enseignants à leur corps défendant. Quand ils voient un élève en difficulté, ils peuvent leur donner des tâches plus faciles. Ils peuvent aussi accepter qu'il n'aille pas au bout de la tâche en se disant « il n'y arrivera pas, de toute façon, ce n'est pas la peine de l'emmerder ». Deuxième résultat de la recherche, en rabattre sur les exigences avec les élèves est systématiquement pénalisant pour ces élèves. On voit très bien, par exemple, je prends qu'un exemple, en fin de CP, vous prenez des élèves faibles qui ont le même niveau, vous comparez le destin de ceux qui vont passer quand même en CE1 et de ceux qui vont redoubler le CP. Et vous regardez les résultats à la fin du CE1 de ceux qui n'ont pas redoublé et de ceux qui ont redoublé et qui arrivent en fin de CE1, non pas au bout de 2 ans, mais au bout de 3 ans. Vous vous apercevez que ceux qui sont passés directement en CE1 obtiennent en fin de CE1 de meilleurs résultats que ceux qu'on a fait redoubler. Là aussi, il y a des tas d'études qui montre ce caractère pénalisant de la réduction des exigences. Troisième résultat de la recherche, le maintien d'une ambition forte avec les publics en difficulté, avec les publics populaires, ce maintien est profitable à ces élèves. Je pense, je pourrais donner plusieurs exemples, je pense simplement à une recherche sur l'enseignement du français en première menée dans les années 80 par une sociologue de l'éducation qui est au moins aussi bonne que Pierre Bourdieu, qui s'appelait Viviane Isambert, qui a montré quoi ? Elle a pris un échantillon de classes et d'enseignants, elle a typologisé les enseignants selon le type de leur pratique pédagogique, en différenciant les enseignants libertaires pour qui comptaient les bons rapports qu'ils avaient avec les élèves, la beauté des textes qu'ils leur proposaient de lire, etc. Les enseignants utilitaires qui se souciaient de l'avenir professionnel et qui mettaient l'accent sur ce dont ils pensaient que les élèves auraient besoin pour leur futur métier. Les enseignants élitistes, ceux qui disent « moi j'ai une discipline qui a ses exigences », je ne vais pas en rabattre sur le niveau de mon enseignement, tant pis pour ceux qui ne peuvent pas suivre. Et enfin, ce que Viviane Isambert appelle les démocrates et qui, eux, à la fois maintiennent les exigences, passent peut-être sur les détails, mais insistent sur les points les plus difficiles pour arriver à les faire passer, et se soucient donc de mettre à la disposition des élèves les vrais moyens d'affronter l'exigence intellectuelle. Ensuite, elle regarde les résultats obtenus au bac français. Ceux qui ont les meilleurs résultats, ce sont la dernière catégorie, les enseignants démocrates. Ensuite viennent les enseignants élitistes, ceux qui maintiennent une exigence forte, même sans se soucier de ce que feront les élèves en difficulté. Et enfin, ont les moins bons résultats avec les élèves des classes populaires, les deux dernières catégories d'élèves, d'enseignants, et donc d'élèves dans leur classe. Conclusion, j'ai dit, je ne parle pas des contenus, mais sur le principe, ce qui me paraît tout à fait important, et j'ai publié en début d'année un ouvrage, vous comprendrez pourquoi, intitulé « Pour une école de l'exigence intellectuelle », je suis profondément convaincu que la démocratisation de l'école, l'indispensable démocratisation de l'accès au savoir développé de la culture écrite, cette indispensable démocratisation, elle suppose qu'on sorte du paradigme déficitaire, qu'on cesse de penser que les enfants des classes populaires se caractérisent par un manque d'appétence pour les savoirs, se caractérisent par des difficultés au maniement de l'abstraction. On le disait tout à l'heure, quelqu'un le disait, tous les élèves sont capables. Là aussi, c'est un résultat de la recherche qui le montre très bien. Quand, à partir du moment où on est entré normalement dans le langage, ça veut dire qu'on s'est doté de capacités de pensée réfléchie, de capacités de raisonnement logique, de capacités de maniement de l'abstraction forme de capacité dont l'école peut s'emparer pour permettre à tous les élèves un développement de leur appropriation de la culture écrite. Il faut donc, la démocratisation de l'école impose que nous sortions du diptyque qui règne depuis un demi-siècle, exigence pour les riches, bienveillance pour les pauvres. Ça, c'est ravageur pour les classes populaires et c'est ravageur pour tout le monde parce que tout le monde est concerné. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans l'électorat du Front National, c'est quand même de très loin l'électorat dans lequel le niveau moyen de certification scolaire est le plus faible. Il faut remplacer le mot d'ordre que partageait beaucoup de pédagogues progressistes dans les années 60, ne mettons pas en difficulté les enfants du peuple, par le mot d'ordre, soyons très exigeants intellectuellement avec les enfants du peuple, parce que c'est la seule façon de leur apporter ce que les autres trouvent dans leur famille. Voilà, maintenant, pour la suite, on peut débattre. Alors, Khaled, puis Malanjo. Asnia est encore là ? Non. Moi, c'est juste rapide, en fait, je voulais intervenir dès le début de votre exposé, parce que vous avez parlé, on doit se poser les questions qu'on doit se poser pour l'enseignement, et c'est quoi transmettre, à qui transmettre et comment le transmettre. Moi, je pense qu'il y a une question qui est encore plus importante, c'est dans quel but, quoi ? Dans quel but ? Pourquoi on doit enseigner ? Dans quel but ? Est-ce que c'est pour que les gens y travaillent ? Est-ce que c'est pour les gens ils apprennent à réfléchir par eux-mêmes, etc. Et je pense que c'est la question la plus importante avant de se poser les autres questions. Voilà, c'était juste une remarque sur le début de votre exposé. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais à mon sens, cette question-là, on la pose à partir du moment où on se pose la question des contenus. Concevoir des contenus, c'est bien évidemment se poser la question de qu'est-ce que doit faire l'école. À cet égard, d'ailleurs, je ne suis pas sûr de partager l'idée selon laquelle je discute beaucoup avec des collègues qui réfléchissent sur le contenu pour le secondaire de l'enseignement de SES ou sciences économico-sociales ou sur l'enseignement d'histoire. Des disciplines qui se conçoivent comme ayant pour mission de former des citoyens. Moi, je dis, à mon sens, l'école n'a pas d'abord à faire passer des messages, elle a d'abord à transmettre à tous les jeunes les moyens de construire eux-mêmes leurs propres convictions citoyennes. Et c'est en ce sens que, alors on pourra appeler, moi je vous entendais parler tout à l'heure d'émancipation, oui, je suis absolument d'accord avec ça, mais je pense que l'émancipation consiste à permettre à chacun réfléchir comme se sont donné les moyens de réfléchir par leur propre scolarité, tous les gens qui aujourd'hui tiennent des grands discours sur l'école et qui sont souvent si méprisants à l'égard des classes populaires. Bonjour monsieur, enchanté. Bonjour à tout le monde qui sont sur la place de la République. Bonjour à Nuit Debout et à ceux qui sont pas Nuit Debout et ceux qui veulent devenir Nuit Debout. Et sachez que Nuit Debout, c'est vous tous et vous pouvez tous être Nuit Debout. C'est bon à répéter parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas conscience. Et donc, faut toujours le répéter. Nuit Debout, c'est tout le monde. Donc, Khaled vous a posé une question qui était très très très importante. C'est le but. Le but, on va parler de la sagesse. De la sagesse d'un peuple. La sagesse d'un peuple a à voir avec le savoir et non pas avec la connaissance. Aujourd'hui, nous sommes un peuple qui nous bourrons de connaissances sans aucun savoir. Sans savoir, nous n'avons pas de but parce que nous ne savons pas ce que nous devons savoir. Sans savoir, nous ne pouvons pas aller vers la sagesse. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas de livre de sagesse européenne, encore moins de livre de sagesse française. On a parlé d'écriture. Moi, j'ai un petit frère. Il écrit très très très mal, c'est horrible. Moi j'écris comme une fille, les lèvres rondes, des chiffres rondes. Lui, il écrit très très très mal. Mon petit cousin, 2 ans ou 3 ans de moins que lui, il écrit encore très très très mal. Qu'est-ce qui se passe dans cette société ? C'est plus on évolue, plus on se rend compte que les milliardaires et tous les gens qui ont créé des entreprises et qui ont évolué, qui ont inventé des choses, sont sortis de l'école très jeunes, se sont fait virer, on n'y sont jamais allés. Les comédiens, ceux qui ont des grands rôles, qui gagnent beaucoup d'argent, sont tous fait virer de l'école. Et donc, on parle de réussite, mais qu'est-ce que la réussite dans cette société? Et ça, c'est aussi une très bonne question qu'on devrait se poser. Si on parle de la réussite, mais c'est quoi la réussite? À quoi on juge la réussite de quelqu'un? Et à la jeunesse, lorsqu'on leur met des publicités, la réussite, c'est d'avoir le même pantalon que David Beckham. Mais ça coûte très cher. Donc, lorsqu'on revient dans tout ça, on peut revenir, sincèrement, ce que Khaled a dit, c'est très important. Dans quel but on va? Pourquoi on va à l'école? Pour apprendre quoi? On parle d'écriture. Lorsque vous avez des écritures comme les écritures chinoises ou comme l'écriture égyptienne d'avant, une seule lettre, un seul mot, ça vous donnait, mais dans la tête, il y avait un truc. Il fallait savoir qu'une chèvre, c'était ça, que ça faisait ça, que l'herbe qu'elle mangeait, ça faisait ça, que quand elle va aux toilettes, ça fait ça, et associé à telle chose, ça fait ça. Ça veut dire que la personne qui lit une écriture hiéroglyphique ou une écriture des Asiatiques, ils ont un savoir, une connaissance, ils ont quelque chose. Lorsqu'on écrit maman, M-A-M-A-N-N, on a écrit maman. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi ça s'écrit comme ça? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça a comme valeur? On ne sait pas. Ça n'apporte plus rien. Donc, l'écriture n'est même plus importante aujourd'hui. Parce que c'est vraiment l'écriture occidentale, enfin l'écriture qu'on a... Oui, je... non mais... Ok, je vais faire court. L'écriture qu'on a aujourd'hui n'apporte rien à personne. Du point de vue intellectuel et du point de vue... personne ne sait qu'une lettre a un chiffre et qu'un chiffre a une force énergétique. Donc, tu appelles ton enfant tel mot, tu sais même pas l'énergie que tu donnes à ton enfant. Tu sais même pas l'énergie que tu donnes à ce truc. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun savoir, aucune sagesse de ce mot. Et ça, c'est très très important. Donc, dans le but de l'écriture. Pourquoi on écrit comme ça? Quelle phrase on écrit? Quelle est l'énergie de cette phrase? On peut écrire une belle phrase et avoir une énergie complètement négative. Aucun intérêt. Donc, les gens qui nous gouvernent, ça, ils le savent. Donc, ils savent très bien que, du point de vue réussite, c'est pas l'école. L'école, c'est pas nous faire devenir des bons salariés, des bons ouvriers, des bons secrétaires ou des bons diplomates. Maintenant, comment faire peur à la jeunesse? Pour faire peur à la jeunesse, comme on sait que l'école, ce n'est pas ce qui va rendre la réussite et qui va donner l'intelligence à quelqu'un, je coupe tout de suite, ne vous inquiétez pas, 30 secondes. On va leur donner le désapprentissage de l'écriture. C'est-à-dire que c'est pas étonnant que les jeunes écrivent de plus en plus mal. C'est fait exprès. Parce que quand on n'a plus de valeur sur l'école et qu'on n'a plus de valeur scolaire, c'est-à-dire qu'on sait très bien que l'école aujourd'hui nous emmène dans un mur, on va faire peur aux gens en disant « Ah, vous voyez, il ne sait pas écrire, et moins on écrit bien, et plus on se perd dans la société. » Donc on arrive à dire à des gens « Tu n'as pas été à l'école, tu ne sais pas te débrouiller dans la société. Va dire ça à un fermier. Moi, j'ai arrêté l'école en 5e. Ça ne fait pas de moi un imbécile, et comme plein de personnes encore. » Et donc, en détruisant l'écriture, consciemment, on enlève encore de la force à l'élève en lui disant « T'as vu, si tu n'y arrives pas, c'est pas parce que l'école sert à rien, c'est parce que tu sais pas écrire. » Et donc, c'est une machination, c'est fait exprès pour encore enlever aux gens, au peuple, cette énergie, cette force de sortir du système et de dire « Le système scolaire que nous avons, c'est n'importe quoi, on doit sortir de ça. » Et ben, en tapant sur l'écriture, on dit « Non, non, vous avez vu, les jeunes aujourd'hui ne savent pas écrire, donc c'est pour ça qu'ils sont bêtes. » Et ça, on peut en rire, mais nos druides ancestrales, les Africains anciens, tous les peuples anciens, ont 15 degrés d'énergie. Ces degrés d'énergie n'ont rien à voir avec l'école qu'on a aujourd'hui et ça apprenait beaucoup de choses. Si quelqu'un connaît ce que c'est que les chakras et les énergies, il sait ce que c'est que l'école d'avant. Excusez-moi, j'arrête là. Peut-être une prochaine question, mais c'est très important de dire que... Alors, juste un petit point technique et du pop. On est nombreux aujourd'hui, c'est vachement bien. Donc on va essayer de faire très synthétique pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent parler, s'il vous plaît. Et ça serait cool, voilà. Levez la main comme la jeune fille. Merci. Vous avez posé, pour sortir un peu de la théorie du complot dont on nous désapprend à écrire, vous avez parlé du contenu qu'on nous apprend et j'ai deux trucs qui me viennent en tête. C'est très concrètement la réforme de Bologne à l'échelle européenne. Quand je disais que aujourd'hui l'objectif c'est de nous apprendre à entrer sur le marché du travail, qui pose la question du contenu en fait, de ce qu'on va apprendre, ça me fait un peu peur parce que niveau émancipation c'est pas génial. Pour moi, la réflexion, c'est redéfinir la question soi-même, se poser la bonne question. Et si on n'arrive pas à répondre à des problématiques, c'est sûrement qu'on se pose pas la bonne question. Et en fait, la réforme de Bologne, c'est demander aux universités de répondre à des questions définies par des entreprises privées. C'est un peu la réforme de Sarkozy, de l'université de Sarkozy qu'on a vécue. Et donc là, on perd une capacité d'émancipation parce que on peut plus poser la bonne question. C'est même plus nous qui redéfinissons la question. Et donc comment gérer cet objectif de l'école avec des réformes du type qui vont faire que les questions seront posées de l'extérieur, enfin de l'extérieur de cet objectif public qui est l'égalité des chances, le droit à l'égalité, exactement, c'est une question que je me pose. Et parce qu'aujourd'hui concrètement les gars ils posent des questions à des universitaires, sociologues et tout, que ça soit l'État ou les entreprises privées, c'est comment gérer une manifestation ? Comment faire en sorte qu'une manifestation ne déborde pas ? Comment gérer les banlieues pour pas qu'il y ait des gens qui crament des voitures en banlieue ? Comment bien voir l'architecture pour pas que ça puisse se produire ? Genre en fait un espèce de Haussmann 2.0 dont l'objectif pour les politiques c'est d'assurer la paix sociale et l'objectif pour les entreprises c'est maximiser leurs profits. Donc comment redonner cette place à l'école à travers les contenus ? Quand on a ces pressions extérieures, politiques, étatiques et aussi au niveau des entreprises privées et intercroisées par ce type de réforme de Bologne. C'est la question que je me posais et c'est tout parce que j'ai oublié l'autre truc. Oui, c'est la question des luttes sociales en général que vous posez. Je voudrais attirer l'attention quand même sur le fait que les enseignants dans le secondaire en France sont recrutés avec un CAPES ou une AGREG, que ça veut dire qu'ils choisissent leur métier, enfin ça ne veut pas dire, mais on voit les travaux qui ont été faits là-dessus montrent bien que les jeunes qui deviennent enseignants dans le secondaire choisissent ce métier non pas parce qu'ils ont envie d'enseigner, mais d'abord parce qu'ils ont envie de pratiquer leur discipline. Ce sont des gens qui aiment les contenus qu'ils enseignent. Les pressions des institutions internationales et des classes dominantes pour imposer à l'école de se plier à des contenus, d'adopter des contenus et de diffuser des contenus qui ont pour vocation principale de former au marché du travail se heurte objectivement à une très forte réticence des enseignants. Et je crois que le souci des enseignants de transmettre leur savoir là où ils trouvent leur bonheur professionnel, c'est un levier formidable sur lequel il faut s'appuyer. La bataille est très loin d'être perdue. Il y a une très forte résistance du corps enseignant à l'égard de ces pressions. Maintenant, qu'est-ce que l'avenir, c'est les luttes. Hein, c'est... Alors, Malanjo, il y a un tour de parole, s'il te plaît. C'est comme ça, Educ Pop, ça n'a pas changé depuis 6 mois. Hein. C'est toujours pareil. Alors après, rien ne t'empêche de parler avec le monsieur, là, comme en Bretagne, là, autour d'une bière ou autour d'un truc à manger sur la place. Il n'y a pas de souci. Mais là, il y a un tour de parole, donc on respecte le tour de parole. On t'a laissé parler, Malanjo. Oui, bonjour. J'étais très contente d'entendre quelqu'un comme Monsieur Terrail qui fait autorité dans de nombreux travaux universitaires sociologiques sur l'école. Mais je suis quand même un petit peu désolée par la paresse intellectuelle qui fait quand même bon marché de tous ceux qui au quotidien se battent pour transmettre quelque chose dans l'école. Et ils sont nombreux, je vous assure. Moi, j'étais longtemps en ZEP4, je suis encore sur le terrain. Je vois au quotidien des gens qui se battent. Et pour transmettre quoi ? Pour transmettre la confiance dans la gestion de l'écrit. C'est pas rien, hein, d'être capable de se débrouiller dans la vie, de lire et d'écrire. C'est pas rien. Ça fait partie quand même des choses les plus indispensables. Bon, je comprends qu'il y a des sagesses ancestrales qui sont très très intéressantes et très nombreuses. Je comprends que l'école est très inégalitaire. Mais précisément, si on continue de dire que on n'y peut rien, c'est inégalitaire, l'école est traversée par les luttes de classe sociale, par les beaux quartiers, les mauvais quartiers, les mauvaises écoles. Moi, je vois au quotidien des gens qui, dans des quartiers qui sont pas forcément des bons quartiers de Paris, faire un travail magnifique. Quant au socle commun, Monsieur Terrail, monsieur, c'est une ambition extraordinaire. C'est celle justement qui permet aux élèves de sortir du système éducatif, et il en a fallu des luttes pour d'ailleurs que ce système soit tienne debout, hein, avec une capacité de confiance dans ses compétences, de confiance en soi, d'estime de soi, parce que premièrement, ils sauront lire. Et la lecture, elle est multidimensionnelle. L'écriture, elle est multidimensionnelle. Et le socle commun, on tient compte. Donc, avant de dire, je suis d'accord avec vous. Alors, la seule chose, mais pas, à mon avis, vous faites bon marché de la manière dont ça se fait. L'exigence pour les classes populaires, elle doit être aussi importante, sinon plus, que pour celles qui sont dites privilégiées. Voilà. Mais je vous dis encore une fois, ça se fait au quotidien. Et point n'est besoin de faire des thèses de sociologie en chambre. Excusez-moi, je suis un peu méchante. Mais quand même, hein, je vous dis, j'en connais, hein, des gens qui font ce travail au quotidien. Bon. Oui, bon, je suis un peu étonné d'entendre un discours comme ça qui s'adresse à moi. Je voudrais d'abord dire que je suis chercheur, mais j'étais universitaire, donc j'avais un statut d'enseignant-chercheur. J'ai 40 ans d'enseignement derrière moi. Et de toute façon, ma préoccupation n'était pas mettre en cause le travail des enseignants. Le problème, c'est que les enseignants, ils font le travail dans des conditions qui leur sont imposées. Et ils sont bien obligés de remplir les missions qu'on leur demande de remplir. Je prends le cas typique. Face à un élève en difficulté, un enseignant, donc un élève qui a des difficultés d'ordre intellectuel, il va faire tout ce qu'il peut parce qu'il aime son métier et qu'il cherche. Et que pour lui, le bonheur professionnel consiste à faire réussir tous les élèves. Il va donc faire déployer tous les efforts qui lui sont possibles. Au bout d'un moment, l'institution lui impose de suivre un programme, de faire progresser les autres. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va régler le problème avec une mauvaise note, il va régler le problème avec un redoublement, il va régler le problème avec une affectation à une classe de faible niveau, et en fin de troisième, il va régler le problème avec une orientation vers l'enseignement professionnel court. Ça, je ne mets pas du tout, quand je dis ça, je ne mets pas du tout en cause les enseignements, je mets en cause la logique de fonctionnement du système dans lequel les enseignants sont pris. Moi, je plaide pour un changement de système. Et un changement de système, qu'est-ce que je propose ? Je propose que nous sortions de l'école unique dans laquelle, qui est notre système éducatif actuel, qui n'a d'unique, je l'ai souligné, que dans le nom, pour rentrer dans une école commune qui aurait quoi comme caractéristique ? La mission changerait non pas à la fois enseigner et trier, ce qui est le cas du système éducatif d'aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a 20% de jeunes, on ne peut quand même pas mettre ça sous le tapis et penser à autre chose. Il y a 20% chaque année de jeunes, c'est-à-dire 150 000 jeunes, il ne faut pas beaucoup d'années pour que ça fasse 1 million, 150 000 jeunes qui sortent chaque année quasi analphabète, quasi illettré, en tout cas, du système éducatif. Bon, c'est ça qu'il faut changer. Et pour le changer, ce que je propose, c'est la substitution d'une école unique, d'une école commune à l'école unique, une école commune qui n'aurait plus de notes, parce que la note est psychologiquement dévastatrice, mais fondamentalement parce que la note... Le camarade le disait très justement tout à l'heure, la note est l'instrument de la mise en concurrence des élèves. Et si vous mettez des élèves qui arrivent à l'école avec des ressources intellectuelles inégales en concurrence, vous êtes sûr du résultat. À la sortie, vous aurez la même inégalité que vous aviez à l'entrée. Un tronc commun avec des évaluations, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas d'apprentissage sans évaluation, mais des évaluations sans notes, sans classement, un tronc commun de 2 à 18 ans, avec un grand avantage pour les enseignants, c'est que là, ce qu'on leur demanderait changerait complètement. On ne leur demande pas de régler les difficultés intellectuelles des élèves avec des moyens d'ordre administratif ou institutionnel tels que ceux que j'évoquais il y a un instant. On leur demanderait de traiter ces difficultés intellectuelles avec des moyens du même registre, à savoir le raisonnement, la réflexion, l'échange, le dialogue, la pédagogie, etc. Donc, croyez-le bien, j'ai beaucoup d'estime pour le corps enseignant qui a quand même joué un rôle très important dans la transformation de la société française et permis la prolongation des études, je l'ai souligné en commençant, à des millions de jeunes depuis un demi-siècle. Mais maintenant, nous en sommes à un point où il est temps de poser le problème de passer à autre chose. Bonjour, alors moi je suis enseignante en secondaire. Je me pose beaucoup la question de la faisabilité en fait de justement proposer un enseignement sans notes, parce qu'en effet ça permet de pas mettre en concurrence les élèves, de pas les traumatiser entre guillemets quand ils ont des 2, des 3. Alors je pense que la limite à ça c'est comme nos élèves sont motivés par les notes. Comment on les motive? Et le problème, c'est que j'ai une collègue qui a une classe sans notes et qui découvre que, enfin, qui s'est rendu compte que cette classe justement apprend moins en fait. C'est ça le problème. Donc, je trouve que c'est une très belle idée et même moi, j'aimerais le mettre en place. Mais du coup, quelle est la motivation de nos élèves s'ils n'ont pas de notes? Pourquoi ils vont travailler en fait? Parce que le système fait qu'ils travaillent pour les notes. Enfin, c'est un peu fataliste ce que je raconte et voilà. Oui, vous soulevez un vrai problème. C'est évident que dans les conditions d'aujourd'hui, moi, ce que je propose, la perspective que je propose, c'est une perspective d'ensemble. L'école commune, elle suppose qu'on supprime les filières. Un tronc commun de 2 à 18 ans, il n'y a plus de filières. Il n'y a plus d'enseignement professionnel, d'enseignement technologique, d'enseignement général. Mais si vous faites ça du jour au lendemain, à la rentrée prochaine, tous les mômes qui sont aujourd'hui en fin de troisième et qui n'ont pas le niveau, ils suivront pas en seconde. Vous les foutez dehors. C'est pas du tout ça, évidemment, que je propose. Il faut repartir. Il faut commencer les transformations. C'est ça qui est compliqué, à la fois par l'amont et par l'aval. Par l'amont, parce que si vous commencez pas au CP, vous n'aurez pas la qualité d'élève dont vous avez besoin pour passer en seconde générale, enfin, ou l'équivalent quand on aura changé les contenus, dans l'avenir. En aval, parce que aujourd'hui, c'est l'aval qui pilote largement l'amont. C'est-à-dire, moi, j'ai assisté souvent à des passages de témoins entre une maîtresse de grande section et une maîtresse de CP. La maîtresse de grande section, elle dit à la maîtresse de CP, celui-là, il, t'inquiète pas, il va pas, il pourra pas apprendre à lire et il sortira de l'école à 16 ans. Autrement dit, les possibilités qu'offre le système aujourd'hui de gérer des flux différenciés se traduisent dès les petites classes par des comportements de dénivelé, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, des enseignants qui se disent de toute façon, celui-là, même s'il n'arrive pas à faire à réaliser cet apprentissage, il n'en aura pas besoin parce qu'il n'est pas destiné à faire des études longues. Ça, l'école que je propose, elle supprime cette possibilité-là. La question de la note que vous posez, c'est pareil. Ça commence à partir du CP. Dans le patrimoine de l'éducation nouvelle, qu'on évoquait tout à l'heure avec les lycées expérimentaux, nous avons quand même des expériences tout à fait intéressantes qui montrent que apprendre sans notes, c'est tout à fait possible. Je remarque juste à cet égard que nous apprenons, que nous entrons dans le langage oral, ce qui est quand même assez difficile quand on réfléchit à ce que c'est que le langage humain, et peut-être bien aussi difficile que d'entrer dans le langage écrit, sans avoir besoin d'être noté, sans avoir besoin d'être classé, sans être mis en concurrence avec les autres. Nous sommes confrontés au savoir et nous ne sommes pas confrontés aux autres quand nous apprenons à parler. D'accord ? Ce que je propose, c'est une école qui fasse entrer les enfants dans la culture écrite sur le même registre. Et on s'aperçoit, chez Freinet, chez Montessori, on s'aperçoit où il n'y a pas de notes, on s'aperçoit que l'obsession des parents et l'obsession des élèves, quand il n'y a pas de notes, mais c'est quelque chose qui se dégonfle comme une baudruche percée. Plus personne n'y songe. La question qu'on pose le soir aux enfants quand ils rentrent de l'école, c'est pas quelle note t'as eu et est-ce que t'es dans les bons, c'est qu'est-ce que t'as appris. Et il y a des lycées expérimentaux dans lesquels ça se pratique. Je renvoie à cet égard, moi j'ai cofondé le groupe de recherche sur la démocratisation scolaire. Je signale à ceux que ça intéresse l'adresse du site démocratisation-scolaire. Sur ce site, il y a une rubrique expérimentation dans laquelle il y a quatre collègues du lycée expérimental d'Oléron qui ont mis un texte intitulé « L'évaluation sans notes dans un lycée expérimental » où ils montrent comment ils évaluent les élèves sans pour autant les noter ni les mettre en concurrence. Et ça marche très bien. Le problème de la motivation, c'est un faux problème. C'est un problème inventé par les pédagogues. J'ai fait beaucoup d'observations en classe de CP. Tous les enfants qui arrivent en début de CP, ils ont envie d'apprendre. Ils ont envie d'apprendre pourquoi ? Exactement de la même façon qu'ils avaient envie d'apprendre à parler, parce qu'ils savent que être grand, c'est savoir parler. Et ils ont bien compris dès le CP que être grand, c'est savoir lire et écrire. Le problème, c'est qu'entre la motivation de l'entrée au CP et l'arrivée au collège, la motivation, elle s'enlise dans les sables pour beaucoup d'élèves. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas réussi à surmonter les difficultés des apprentissages et ils ont fini par se décourager. C'est là le vrai problème. C'est pas de créer la motivation, c'est d'empêcher que la motivation disparaisse. Moi, j'ai vu dans des classes de CP, au bout de 3 mois, vous apprenez à lire à des mômes avec la méthode globale, vous êtes sûr de votre coup, au bout de 3 mois, vous avez la moitié de la classe qui regarde par la fenêtre ou qui regarde l'horloge en attendant l'heure de la récré. Et parmi eux, une bonne partie qui se sont dit « moi, je ne serai jamais lecteur ». Et ces mômes-là, vous en retrouvez une bonne partie dans ceux qui sortent de l'école à 16 ans ou... Donc c'est vrai que dans les conditions actuelles, vous avez raison, la note joue le rôle de motivation, mais les enseignants devraient réfléchir au fait que jouer ce jeu-là, c'est scier la branche sur laquelle ils sont assises. Parce que qu'est-ce que disent les affiches que vous voyez partout dans le métro de Academia ou je sais pas quoi ? C'est payé, vous aurez de bonnes notes. Notre système éducatif fait rentrer les enfants dans un système, dans un rapport complètement utilitariste au savoir. Mais c'est une catastrophe. Vous ne pouvez pas apprendre si vous ne trouvez pas du plaisir à apprendre. Donc, le vrai problème, c'est pas d'avoir des apprentissages attractifs parce que on ouvre l'école sur la vie ou je sais pas quelle connerie, c'est d'avoir des enfants qui trouvent effectivement plaisir à apprendre parce qu'il y a forcément du plaisir dans le processus qui nous permet d'apprendre et de comprendre. Et ça, c'est une réalité humaine universelle. Mais à partir du moment où on décourage ce désir-là, ça devient extrêmement difficile et il faut payer avec les notes pour que les élèves continuent de travailler. On a une réponse directe, mais très très très directe et très très très courte, et après on continue le tour de parole. Il n'y a pas de problème. C'était juste pour répondre sur ce que je disais tout à l'heure sur les notes. Ça met les élèves en concurrence, évidemment. Madame, ça met les élèves en concurrence, et évidemment, ça traumatise les plus nuls, les notes, le système de notation, évidemment. Mais il y a un autre truc, c'est copie pas sur ma copie. On n'est pas dans le partage. Et ça, c'est super important. Vous ne l'évoquez pas. Mais dès qu'on supprime les notes, on serait dans le partage. On serait dans le partage de la connaissance. Vous imaginez, au lieu qu'on garde... Parce que là, on a tous été appris à garder la connaissance pour soi. Là, on donnerait à chaque fois notre... Voilà. Ça changerait tout dans l'apprentissage. Sans blague. Oui. Même moi. C'est long, mais... Alors, moi, je voudrais poser une question simple, c'est dans le système scolaire, qui est responsable de quoi ? Est-ce que quelqu'un est responsable de quelque chose ? Et quand on est chercheur, on peut passer toute sa vie à chercher sans jamais rien trouver. Il y a toujours la paye qui tombe à la fin du mois, les vacances, la retraite, etc. Alors c'est quoi la responsabilité là? Où est-ce qu'elle est? Vous voulez répondre ou on continue le tour de parole? D'accord, bon. Pas de soucis, donc on va faire. Ouais, oula. Oui, en fait, je voulais vous poser une question par rapport à la transmission des connaissances et au rôle de l'école et par rapport à l'oralité. Vous avez parlé de l'écrit, par rapport à l'oralité, je pense notamment à la Grèce antique qui ont créé l'académie, le lycée et qui ont produit des grands esprits universels et qui avaient une tradition de l'oralité. Et sur l'Agora, il y avait plusieurs écoles philosophiques où on pouvait aller, où on pouvait discuter, où on pouvait produire des logos, engendrer des discours, et par la parole, accoucher du savoir. Et donc il y avait, en quelque sorte, une distinction des individus par le logos, par le partage. Et pour moi, en fait, la fonction de l'enseignant, c'est pas de transmettre des savoirs, mais c'est un peu comme Socrate le fait, c'est de créer un désir de connaissance chez l'élève. Qu'il allume la flamme de l'amour du savoir et qu'en fait, ça soit l'élève qui soit demandeur. Et moi, par rapport à ça, en fait, je ne lisais pratiquement jamais. Et le jour où j'ai découvert les dialogues de Platon, j'ai découvert Socrate, il allumait en moi ce désir-là, qui depuis ne s'est jamais éteint. Et donc, j'ai été en quelque sorte mimétisé par Socrate. Hein. Et donc, la question que je voulais poser, justement, c'est est-ce qu'il y a des recherches sur cette question-là de la mimétisation? Et comment, justement, créer chez l'élève un désir de savoir et comment aussi donner une grande place à l'oralité, au-delà de l'écrit? D'ailleurs, Platon, vous savez, critiquer l'écrit, parce que l'écrit, c'est mort, alors que l'oralité, elle est vivante, elle est... Voilà. Donc, quel est votre point de vue là-dessus? Écoutez, mon point de vue là-dessus, c'est de ne pas oublier que ce sont quand même les Grecs qui ont inventé l'alphabet vocalique. Oui, c'est ça, avec les voyelles. Et que si nous pouvons encore bénéficier des apports de la pensée grecque, c'est quand même parce qu'il y avait de l'écriture. Ma pensée, c'est aussi que l'écriture donne à l'humanité des moyens de la pensée élaborée, de la pensée réfléchie, que l'oralité ne donne pas. Que ce soit la philosophie, prenez la logique aristotélicienne, sans l'écriture, jamais ça n'aurait été possible. Alors que dans l'enseignement et dans la vie publique des idées, certains philosophes grecs, tels Socrate, aient privilégié la forme du dialogue oral, c'est une chose. Que les sociétés grecques et romaines, que l'apport à la pensée humaine de ces sociétés-là soit très largement passé par l'écriture, c'est aussi une réalité. Sur le désir de savoir, sur le désir d'apprendre, sur le désir de connaître, ça rejoint ce que je soulignais tout à l'heure. Je suis convaincu que les enfants ont ce désir, mais que le problème de l'éducation, c'est de ne pas le décourager, de l'entretenir et évidemment de le nourrir en permettant aux enfants de surmonter les épreuves de ce chemin escarpé, comme disait Marx, qui est l'accès à la connaissance. Vous m'avez assez convaincu, hein. Bon, en fond, j'ai toujours été plus ou moins convaincu par le fait que probablement, si l'école avait échoué, c'est parce qu'elle s'était orientée pédagogiquement sur des méthodes de facilitation, et que probablement elle aurait mieux réussi si elle avait tenté une pédagogie de l'exigence. Maintenant, là où j'ai un doute, c'est que son renoncement, le renoncement auquel vous faites allusion là dans les années 90, suite au constat d'échec de ces pédagogies de facilitation, etc., je pense que ce renoncement, il n'est pas seulement lié à ce constat d'échec Voilà, je pense qu'il a, il a partie liée avec le fait aussi que, au fond, l'école a rempli son office. Si on considère que l'école a aussi principalement pour vocation d'insérer les gens dans le marché du travail, elle a rempli son office, puisque pourquoi la société investirait-elle davantage dans l'école dans la mesure où il y a un chômage de masse, il y a des inégalités, etc. Pourquoi faire réussir davantage? Au fond, on a fait, on a porté une classe d'âge plus nombreuse au bac, avec pour résultat de d'évaluer ce titre de diplôme. Ils ont plus réussi, mais ils ont, voilà, ça n'a pas mené une amélioration. Pourquoi l'école tenterait? C'est pour ça que j'ai un doute sur l'éventuelle prise de conscience autour de la pédagogie de l'exigence que vous proposez. J'ai un doute sur sa mise en œuvre éventuelle. Oui, vous avez raison de poser le problème, mais de quel point de vue vous parlez? Si vous parlez du point de vue des classes dominantes, je suis d'accord avec vous. L'école telle qu'elle est aujourd'hui leur convient tout à fait. D'ailleurs, je disais, c'est l'école unique a été créée, a démarré avec le décret Berthoin de 59. Qu'est-ce qu'il disait, Berthoin? Il disait, on ouvre le collège à tous. Hein, jusque-là, il n'y avait que 5% de la population qui entrait dans l'enseignement secondaire. À partir du décret Berthoin, c'est progressivement tous les jeunes qui vont entrer dans l'enseignement secondaire. Mais Berthoin, et De Gaulle étaient d'accord avec lui, disait, c'est pas parce qu'on fait rentrer, on va faire rentrer tout le monde au collège, que tous ces jeunes qui n'ont rien à y faire, qui vont arriver au collège, doivent aller au lycée, a fortiori à l'université, etc. Tout ce qui a été conquis par la suite dans le développement de la scolarisation, pour une part, l'a été à l'encontre du malthusianisme des classes dominantes en matière de scolarisation. À la fois, mais les classes dominantes sont dans un rapport contradictoire à l'école. À la fois, elles ont besoin que le niveau s'élève, et en même temps, elles souhaitent, comme c'est le cas depuis 5 millénaires qu'existe de l'écriture et donc de l'école dans les sociétés humaines, elles souhaitent que ce soit seulement une minorité de gens qui accèdent au savoir développé de la culture écrite. Donc, du point de vue de la classe dominante et les institutions européennes et internationales, elles le disent très bien. Elles disent les études longues, c'est pas pour tout le monde. Il y a des petits boulots. Il faut des gens qui soient peu diplômés pour les faire, et il y en aura encore longtemps des petits boulots. Donc tout baigne. Mais vous et moi, on peut tenir un autre discours que ça, en disant notre société, elle a besoin d'autre chose que ce type d'école. Ce qui est frappant, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même important, aujourd'hui, vous avez une revendication de masse de scolarité longue dans tous les milieux sociaux. 9 familles sur 10 souhaitent que leurs enfants réussissent un bac et entrent dans l'enseignement supérieur pour y décrocher un diplôme. 9 familles sur 10. Le rapport des classes populaires à l'école, il a profondément changé dans les 30 dernières années. C'était un rapport de type délégatif. Moi, je fais mon métier, je ne vais pas demander à l'enseignant de venir sur mon tour ou ma fraiseuse pour faire le boulot à ma place. Mais moi, de mon côté, je ne vais pas aller apprendre à l'instit ou au prof son métier, et c'est lui qui sait et qui apprend à mon môme, etc. Les classes moyennes, elles ne tenaient pas ce discours. Les classes moyennes, elles voyaient que l'enfant n'apprenait pas à lire. Ils allaient à la librairie, ils achetaient la méthode Bocher, méthode alphabétique de 1906, ils apprenaient à lire à leur môme. Ça, ce rapport-là, critique de ce que font les enseignants, fort mécontentement à l'égard de l'école, et critique de ce que font les enseignants, c'est une attitude qui est en développement rapide dans les classes populaires, tout simplement parce que ces classes sont affrontées à ce hiatus entre ce qu'ils veulent pour leurs enfants et ce qu'est la réalité des choses. Là aussi, comme levier pour transformer les choses, on a la volonté des enseignants, le désir des enseignants de bien faire leur métier, c'est-à-dire que tout le monde réussisse, et la volonté des massives aujourd'hui d'études longues pour tous les enfants. Mais ça, c'est évidemment pas le point de vue des classes dominantes. Eux, ils n'en ont rien à cirer de ça. Au contraire, ils sont malthusiens. Oui, parce que par rapport à changer le système, en fait, je voulais juste dire que Éducation Populaire, on a travaillé sur un atelier Quelle société veut-on ? Et on a passé deux sessions de 2 heures sur les enfants. Et je pense qu'on a proposé des choses peut-être plus subversives que celles que vous proposez, mais qui sont très précises. Je vais vous donner des exemples. Je ne les ai pas tous en tête, hein, mais déjà, on avait dit par rapport on parlait tout à l'heure des notes. En fait, le système des notes va aussi avec le système des diplômes. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit il faut avoir des diplômes pour avoir un travail, pour avoir une bonne vie, un bon salaire, du coup, il faut avoir des bonnes notes. Du coup, ça rentre aussi dans l'éducation des parents qui veulent que leurs enfants réussissent dans la vie, donc demandent des bonnes notes. Enfin, voilà. Ça va aussi avec les diplômes. Donc on avait pensé supprimer les notes et les diplômes. Alors, on avait pensé... plutôt que de faire de noter l'élève, faire en sorte que ce soit la classe qui évolue. Donc en fait tous les élèves essayent de travailler ensemble pour faire évoluer le niveau de la classe. On avait pensé aussi qu'il n'y a pas des classes qui soient de façon d'un âge à l'autre, mais que ce soit des classes de niveau, c'est-à-dire quelqu'un quand il arrive à l'école, il a ce niveau-là, ce savoir-là, il va se mettre dans cette classe-là et il va évoluer avec cette classe-là. Mais il peut y avoir dedans des personnes de 5 ans, des personnes de 12 ans, des personnes de 50 ans, enfin voilà. On avait pensé aussi par rapport au choix, donc surtout le choix après le choix professionnel par exemple, quand on nous dit voilà, par exemple on va avoir la conseillère d'orientation qui nous dit vous pouvez faire ça, ça, ça et ça. Et ben il faudrait qu'il y ait aussi la possibilité qu'il y ait dans tous ces choix-là, rien ne me convient, je veux créer mon truc. Ça, ce serait énorme si on pouvait faire ça à chaque fois. Parce qu'après, il pourrait y avoir des groupes qui, du coup, créent de nouvelles sortes de travail, etc. On avait pensé aussi à favoriser les déplacements territoriaux pour apprendre des autres cultures. Donc, par exemple, dès le primaire, que les enfants puissent partir 2 jours, par exemple, en campagne, et puis après ils partent 2 jours en montagne. Rien que des placements en France, pour qu'ils puissent aller dans d'autres familles et se rendre compte de d'autres façons de penser. On avait aussi parlé du développement du travail de l'imaginaire, où que les élèves puissent écrire leurs histoires et ensuite les raconter aux autres, plutôt que ce soit noté par un enseignant et qu'il n'y ait que l'enseignant qui... Voilà. Plein de choses comme ça, mais il y a énormément de choses à changer. Et en fait, j'étais un petit peu frustrée par ce que vous disiez, parce que je trouvais pas ça suffisant. Enfin, je trouvais ça très conceptuel aussi. Alors je sais que c'est un petit peu le souci de l'université aussi. Mais... Oui, si vous voulez, je le disais en commençant, je suis chercheur. Je raisonne comme un chercheur, c'est-à-dire ce que je constate, c'est qu'en France, comme dans l'ensemble des pays développés, on a connu à partir des années 50 un essor considérable de l'accès au savoir développé de la culture écrite, que cet accès est resté très inégal. La question que je me pose, c'est pourquoi il est resté inégal. En tant que citoyen, je suis d'autant plus attentif à cette question que je suis convaincu que rester dans une société aussi inégale à cet égard est lourd de danger pour notre avenir démocratique à tous, que nous avons besoin demain de citoyens qui aient une vraie maîtrise du savoir et des connaissances, qui soient capables de participer à la discussion et de se construire leur propre avis sur des questions de société qui seront des questions de plus en plus complexes, de plus en plus instruites, parce que on peut se dire on va aller vers par exemple pour protéger l'environnement, lutter contre le réchauffement climatique, etc. On va transformer profondément les façons de produire, les façons de consommer, les façons de vivre, mais tout cela passe par la mise en œuvre d'innovation, de connaissance, de réflexion, et tout cela suppose un niveau de connaissance et de capacité de pensée réfléchie que aujourd'hui on a difficilement quand on sort de l'école quasi illettré à 16 ans ou avant. Alors, la solution que je propose, que je mets en avant avec les collègues avec lesquels je travaille, c'est celle de cette école commune, qui a pour principe de supprimer tous les dénivelés d'exigence à l'égard des publics en fonction de leurs ressources, de leur milieu social, etc. À partir de là, tout est ouvert pour moi. C'est-à-dire comment on va faire, très précisément, qu'est-ce qu'on va puiser, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans le dans l'expérience historique de l'éducation nouvelle, où il y a beaucoup de choses qui peuvent, beaucoup de richesses qui peuvent être réutilisées. Comment on va transformer les rapports entre les enfants et les adultes, les rapports entre les élèves, etc. Moi, en tant que citoyen, je suis ouvert à beaucoup de choses, mais j'insiste fondamentalement sur le fait que si on n'entre pas dans une rupture forte avec cette pesanteur très lourde qui dure depuis un demi-siècle et dont je rappelais l'actualité quand même, je ne l'invente pas, la réforme de l'orthographe, la réforme du système de numération, les enseignements pratiques interdisciplinaires, c'est pas de la recherche conceptuelle, etc. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre système scolaire. Et cela relève des principes qui ont déjà présidé à la rénovation pédagogique des années 60-70, qui ont donné ces caractéristiques à notre système éducatif et qui vont continuer à exclure les enfants du peuple de l'accès au savoir de la culture écrite. Ça me paraît une tendance lourde et c'est là-dessus que je voulais insister. À partir de là, une fois qu'on a surmonté cet obstacle, on peut réfléchir à des tas de choses, dans les contenus comme dans les façons de vivre à l'école, etc. Nous, dans les contenus, dans mon groupe de travail, pour donner un exemple, on est pour une réflexion sur la technologie à partir du CP. La suppression de la filière technologique, mais à partir du CP, non seulement sous la forme ancienne et traditionnelle du travail manuel, mais aussi sous la forme d'une entrée des élèves, d'une invitation des enfants à réfléchir sur ce que sont les objets techniques de la vie quotidienne, pourquoi on se sert d'une fourchette, d'où ça vient, comment ça fait, comment c'est fabriqué, est-ce qu'on se sert d'une fourchette dans tous les types de sociétés, etc., etc. À l'école élémentaire. Mais je veux dire, il y a des tas de choses à inventer à partir du moment où on a résolu, et qui peuvent être possibles et concevables, mais qui ne prendront sens, j'insiste là-dessus, qui ne prendront sens et efficacité qu'à partir du moment où on aura résolu des problèmes essentiels. Si on fait de belles innovations et qu'on continue sur le diptyque exigence pour l'effort dans les classes préparatoires aux grandes écoles, etc., et bienveillance pour les faibles, on va continuer dans la société de classe dans laquelle nous vivons. Donc, résolvons ce problème-là à partir du moment où on l'aura résolu. Moi, je suis ouvert à toutes les innovations. C'est encore moi. Je répète un peu mon truc. Vous savez, la mondialisation qu'on vit actuelle, lorsqu'on vous entend parler, on la comprend. C'est-à-dire que la mondialisation, ce n'est pas la mondialisation de moi, je sais et je vais dire aux autres ce que je sais, et que la mondialisation, c'est le monde par rapport à ce que moi, ce que je sais, ce que je pense. Lorsque vous me dites que les Grecs ont inventé les voyelles, en tant que chercheur, on est en 2016, je suis un peu étonné et égaré. C'est-à-dire que les peuples anciens avaient des signes qui définissaient les consonnes et les voyelles. Et non seulement ça, l'écriture ancienne, il y avait des textes, on écrivait une phrase d'une façon pour le masculin, d'une autre façon pour le féminin. C'est-à-dire qu'ils avaient tous leurs codes et tous leurs signes pour définir le, la, les, féminin, masculin. Et donc, lorsqu'on est chercheur et qu'on reste encore dans cette dogmatique du la culture judéo-chrétienne, gréco-romaine, a fait, sait et donne aux autres. Donc, dans cette mentalité de mondialisation, c'est normal qu'on soit dans cette mondialisation de domination où l'Occident va piller tout le monde. Parce que si la mondialisation, c'est nous, aujourd'hui, l'Occident, nous savons ceci, cela, et nous voulons le donner aux autres obligatoirement, on en arrive encore à ce problème donc de la lettricité. C'est-à-dire que je ne sais pas écrire, je ne saurais pas me démerder dans la vie. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu connais sa famille? Est-ce que tu connais ce jeune homme? C'est-à-dire que le problème n'est pas de noter quelqu'un ou d'avoir le diplôme, c'est de lui faire confiance et de le respecter. c'est-à-dire de ne pas porter de jugement. Je viens travailler pour vous, j'ai envie. Ok, vas-y, essaye. Eh ben, tu seras super. Aujourd'hui, on en arrive dans l'électronique où les diplômés trouvent moins de travail qu'un mec qui est geek dans sa cave. Donc, ça veut dire un geek, peut-être qu'il fait pas que 50 fautes quand il écrit. Il n'est pas venu à l'école pour apprendre l'allée, je sais pas quoi. Mais son matos, il le connaît par cœur. Donc, est-ce que nous... Ouais, je vais arrêter. Est-ce que, monsieur le chercheur, ma question sera précise. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une domination judéo-chrétienne gréco-romaine qui impose sa vision de l'école, sa vision de la culture à tout un chacun? Et c'est ça qui crée le problème, justement, du plus mieux. Parce que moi, personnellement, je n'ai rien contre les Chinois et je ne cite pas non plus l'écriture chinoise qui a une grande importance dans leur valeur et dans leur façon de penser et de compter. Écoutez, franchement, c'est quand même pas de ma faute si, effectivement, au 8e siècle avant notre ère, c'est les Grecs qui ont inventé l'alphabet vocalique. J'y suis pour rien, moi. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont soutenu, et n'importe quel penseur, je pense à Marcel Granet, qui était un grand spécialiste de la civilisation chinoise, qui a écrit en 1920 que l'écriture chinoise, l'écriture idéographique, était beaucoup moins adaptée à la pensée scientifique que l'écriture alphabétique. L'histoire a montré que c'était de la connerie. Ça, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est à Moustapha et après toi. Bonjour, donc juste une réflexion, un témoignage et notre espoir en fait. Tout à l'heure vous disiez, moi quand mes enfants rentrent à la maison, je leur demande pas ce qu'ils ont appris, mais je leur demande ce qu'ils ont fait en fait. Parce que la question essentielle, c'est la question du comment en fait au final. Donc c'est comment des enfants, des élèves se mettent dans des situations pour acquérir des compétences. En fait, c'est de mon point de vue, la mise en situation... où les élèves vont mobiliser ben, en fait des compétences qui vont permettre d'avancer en fait. Un témoignage aussi par rapport, mais là la collègue enfin elle est partie en fait. Moi j'ai aussi un enfant qui est en maternelle en fait et son enseignante elle a mis en place en fait des ateliers en fait qui permettent justement aux enfants de se mettre dans des situations en fait et donc du coup d'acquérir des compétences. Et j'avais également ma fille lorsqu'elle était en CP, ben, il n'y avait pas de notes et ça posait pas de problème parce que pareil l'enseignant en fait il mettait les élèves dans des situations en fait. Donc la question c'est surtout la question du comment. Et vous parliez tout à l'heure des lycées innovants en fait et vous mettiez en parallèle les enfants qui sortent du système scolaire, en fait, plutôt 120 000, hein, pas 150, là on a baissé, mais il y a encore du travail. On peut prendre aussi l'exemple des écoles de la deuxième chance, en fait, qui font un travail essentiel, en fait, pour ces enfants qui sont sortis du système scolaire. Voilà, et aussi, je pense que dans tout ça, en fait, ça permet aussi de restaurer l'estime de soi, et j'en profite le 30 septembre, avec le mouvement alternatif contre la non-violence et l'école de la deuxième chance, on va justement... permettre à des jeunes de porter leur témoignage voilà et donc on vous invite tous c'est à la maison des associations du 6e arrondissement voilà. Il y avait pas de questions. Bonsoir, merci beaucoup, c'était très intéressant. Ma question, ce serait de savoir si l'analyse de dire que l'exigence intellectuelle, elle est encore appliquée aux classes supérieures, est-ce qu'elle est si vraie que ça? Parce que j'ai l'impression que le nivellement, il s'est aussi fait par le bas et qu'il y a aussi un travail de sapage des savoirs, un travail de sape des savoirs qui touche aussi, en fait, les classes supérieures. Je pense que ça concerne tout le monde. Et ce que vous disiez quand vous parliez de la simplification et de fournir des méthodes clés en main qu'on paye pour réussir, c'est encore plus visible dans les classes qui ont les moyens de payer et qui font ça maintenant de plus en plus. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un processus de destruction du savoir qui est plus vaste que simplement une élite qui en domine une autre, plus effrayant, parce que dans ce cas-là, on ne sait pas qui va détenir et perpétuer ces savoirs à l'avenir. Et quand j'entends les dénigrements du métier de chercheur, ça me fait aussi penser qu'il y a un problème si on commence à saper aussi par le haut les savoirs, parce que c'est important d'avoir des chercheurs et des gens qui pensent ces problèmes-là et qui pensent l'état de droit et pas seulement l'état de fait. Donc je suis un petit peu choquée aussi d'entendre ça. C'est pas parce qu'on est pour l'éducation populaire qu'on doit dénigrer l'excellence et la maîtrise des savoirs et la recherche. Voilà, mais ça c'était plus pour le public qui a beaucoup, je trouve, c'est permis d'insulter à la limite le chercheur qui est venu nous voir, alors que s'il y avait un ouvrier devant nous, on le dirait pas toutes les deux minutes qu'il dit ça parce qu'il est ouvrier, donc voilà. Oui, la question que vous posez, est-ce qu'il n'y a pas une dégradation du savoir c'est une question compliquée. A priori, je penserais pas que c'est la question essentielle aujourd'hui. Je sais pas, vous avez des indices qui vous permettent de... je sais pas, si on prend le niveau du bac d'enseignement général, est-ce que il est moins exigeant aujourd'hui du point de vue des savoirs qui vous paraissent mériter de ce nom qu'il l'était il y a 50 ans? Je crois pas. Moi, je sais pas très bien répondre à votre question. C'est vrai que l'ensemble, certains l'ont dit tout à l'heure, il y a une pression forte des instances internationales et des gouvernements nationaux pour soumettre toujours davantage la formation scolaire aux besoins du marché du travail. Ça, c'est une réalité. On le voit bien à l'université avec le développement des bacs pro, des masters pro, etc. On voit aussi que dans les classes prépa, vous avez maintenant des classes prépa qui rassemblent les jeunes qui préparent des écoles commerciales type HEC ou ESSEC, en même temps que des gens qui préparent normal supplétre, philo, etc. Bon, comment apprécier tout ça? Moi, je le disais tout à l'heure, je crois qu'il y a une forte résistance des enseignants aux tentatives pour infléchir les contenus d'enseignement dans un sens utilitaire, professionnel, etc. On le voit bien avec les sciences économiques et sociales au lycée. Je discute souvent avec eux, je ne suis pas toujours d'accord avec l'association majoritaire de ses collègues dans cette discipline, mais pour autant, on ne peut pas leur contester le fait qu'ils se battent, et ils se battent avec succès, contre les pressions quasi récurrentes, vraiment récurrentes du MEDEF, pour imposer un enseignement de l'économie qui soit une économie néolibérale, etc., etc. Ces pressions-là sont vraies. Est-ce qu'elles progressent beaucoup? Je ne saurais pas dire. Ce que mesurer précisément leur effet. Mais en tout cas, je ne crois pas que ce soit vraiment la question principale aujourd'hui de l'école. Mais je ne dis pas que vos préoccupations sont... Quand vous dites supprimer les dénivelés entre les classes sociales... À quel niveau, du coup, vous fixez l'école commune? Sur quel niveau vous vous basez s'il n'y a plus de dénivelé? C'est difficile de répondre à votre question parce que ça supposerait résolu la question des contenus. Donc, est-ce qu'on garde les mêmes disciplines? Là, je disais parmi les propositions du groupe de recherche sur la démocratisation scolaire dont je porte la parole, là, il y a cette idée d'un enseignement de la technologie à partir de l'école élémentaire. Le 4 octobre, nous avons un séminaire avec 4 participants sur l'enseignement de la philo, et évidemment la question viendra de est-ce qu'une réflexion de type philosophique, il faut pas qu'elle soit présente dès les petites classes. Bon, donc cette question du niveau, elle est seconde par rapport à la question des orientations, du contenu et tout. Mais je dirais, dans l'état actuel des choses, pour moi, l'école commune, si je mets entre parenthèses la question des contenus, c'est que tout le monde puisse suivre une filière d'enseignement général. Pourquoi ? Parce que c'est la seule filière dont on est... Enfin, tous ceux qui ne vont pas dans cette filière en sont exclus pour raison de maîtrise insuffisante de la langue écrite et du langage mathématique. Or, entrer dans la culture écrite, c'est accéder à cette maîtrise. De toute façon, quelle que soit l'orientation des contenus, cette maîtrise-là, il faudra l'acquérir. C'est un incontournable. D'accord ? Donc, l'école commune, ça veut dire de toute façon une hausse du niveau. C'est amener tout le monde au niveau des bons d'aujourd'hui, quoi. Les bons d'aujourd'hui, c'est 35% de bacheliers d'enseignement général. Ça veut dire qu'il y a 65% des jeunes générations dont l'école devrait et pourrait très sérieusement élever le niveau de formation. Ouais, je voulais juste dire qu'on va faire passer la boîte à dons, voilà, si vous pouvez nous aider un petit peu. C'est juste pour acheter le matos, pour renouveler tout ce dont on a besoin, le micro, toutes ces choses-là. Donc si vous pouvez participer un petit peu, merci beaucoup. Merci. Oui, je voudrais aborder la question de ce tronc commun que vous voudriez mettre en place. Et c'est vrai que moi, où je suis surpris, c'est quand on est quand même en 2016... Et que, ben, justement, quand j'entends dire que des élèves arrivent au collège sans savoir lire, écrire, comprendre, donc j'espère que dans votre tronc commun, vous ferez en sorte que tout élève puisse accéder à ce côté lire, écrire, mais en respectant leur rythme. Parce que je pense que chaque enfant a un rythme. Il y en a qui peuvent apprendre à lire et à écrire peut-être en quelques mois, d'autres auront besoin d'un an, d'autres auront besoin d'un an et demi. Donc je me dis, il faut respecter ce rythme d'accès à la lecture, et puis ça permettra de mieux réussir par la suite. Et où je suis mécontente, ça concerne sur la simplification de l'orthographe. Parce que je me dis, on est allé vers la simplification de l'orthographe, et bien qui sait, peut-être que dans quelques années, il n'y aura plus d'orthographe, tout le monde écrira en SMS, et je trouverais ça dommage. Oui, pour la défense des chercheurs, je voudrais dire quand même que, travaillant sur ces questions, j'ai participé à la réalisation d'un manuel d'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour le CP. Donc vous voyez que je suis très loin de m'en désintéresser, parce que je pense qu'effectivement l'entrée dans le lire-écrire est tout à fait décisive. Maintenant, les différences de rythme, je vous en prie, les différences de rythme, c'est à la fois un vrai et un faux problème. Un vrai problème dans la mesure où chacun a une histoire intellectuelle qui lui est propre, qui est singulière. Mais je ne crois pas du tout que ce soit contradictoire avec l'idée d'un tronc commun. En même temps, on doit pouvoir, sur ce qui fait le partage des savoirs de base, on doit pouvoir faire progresser tout le monde de la même façon. Il y a eu une enquête il y a 2 ans qui a comparé 4 manuels dans des classes de REP, donc les classes les plus populaires. Les 6 classes de CP travaillant avec notre manuel sont arrivées de loin en premier. Bien sûr, il y avait des élèves qui lisaient plus ou moins vite, qui comprenaient plus ou moins bien, mais ceux qui avaient travaillé avec ce manuel avaient tous un niveau minimum, on peut dire, qu'à la fin du CP, ils étaient lecteurs et ils avaient envie de continuer à apprendre à lire et à écrire, ce qui n'était pas le cas dans toutes les classes. Donc, l'individualisation de l'apprentissage, c'est un vrai problème, mais je crois que ce n'est pas contradictoire avec l'idée d'un tronc commun. Simplement, quand je dis un scolarité obligatoire à 18 ans, 2 tronc commun jusqu'à 18 ans, ça n'est pas... Ça laisse tout à fait ouverte la possibilité que chacun développe tout au long de sa scolarité, que chacun développe ce qu'il a envie de développer, que l'école à cet égard, comme on le disait à propos du lycée autogéré tout à l'heure, si vous étiez là, du 15e, que l'école mette soit un foyer de culture qui mette à la disposition des élèves des possibilités de développer leurs talents dans le sens qui leur convient, à partir du moment, et c'est essentiel, où ce développement des talents individuels dans telle ou telle direction ne se fait jamais au détriment du partage des savoirs communs, alors qu'aujourd'hui, quand vous avez un élève qui est mauvais en maths, on lui fait faire du français. S'il est mauvais en français, on lui fait faire de la techno. S'il est mauvais en techno, on le prépare à un métier. S'il est mauvais en enseignement professionnel, on le fait entrer sur le marché du travail. Le tronc commun, c'est une base commune. À partir de là, tout au long de la scolarité, chacun peut suivre son rythme et développer ses ressources comme il l'entend. Alors, dernière question et après on va clore. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'école, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, a fait quand même énormément progresser l'école, qu'il y a eu énormément d'améliorations dans l'école, qu'on peut dire même que par rapport aux années 60, l'école c'est le jour et la nuit, dans tous les domaines, aussi bien au niveau des programmes, au niveau des méthodes, au niveau de l'éducation des élèves. On parlait tout à l'heure de l'évaluation. Il est très rare actuellement qu'il y ait des évaluations qui soient perverses comme il y avait avant. L'enseignant qui aurait un peu des méthodes un peu perverses, maintenant serait carrément envoyé. Je dirais presque ça. Au niveau des notes, de la même façon, on n'a plus des notes comme on pouvait avoir, pour la bonne raison que maintenant chaque note est réévaluée. Personnellement, dans les derniers mois d'enseignement, où j'avais complètement abandonné ma mission d'enseignant, je notais sur 28. Comme ça, j'étais sûr que tout le monde avait des bonnes notes. Et comme ça, tout le monde était content. De la même façon, il y a des tas d'autres méthodes pour que les élèves aient des bonnes notes. Quand ils ont une mauvaise note en exercice, on en redonne un après, qui est très facile, et on fait une moyenne entre les deux, et donc comme ça, on arrive à des bonnes notes. Mais, passé cela, on peut dire qu'en général, il y a eu quand même une très grande amélioration dans l'école. Alors, je pose la question, comment se fait-il que la motivation des élèves soit inversement proportionnelle aux efforts qui sont faits pour les motiver? Écoutez, ce qu'on sait d'après les études du service statistique du ministère de l'Éducation nationale, c'est que de 85 à 95, c'est-à-dire pendant la seconde explosion scolaire, quand Chevènement avait lancé le mot d'ordre de 80% au niveau du bac, où le taux de bachelier est passé en 10 ans de 35% à 65%, les connaissances acquises à l'issue du primaire n'avaient pas changé. Que de 1997 à aujourd'hui, avec la mise en place, la mise en œuvre des politiques du socle commun, ce niveau de connaissances à l'issue du primaire a eu plutôt tendance à régresser. Je rappelle une autre donnée statistique de ces recherches du service statistique de l'éducation nationale, c'est que les écarts moyens entre les acquis cognitifs d'un enfant d'ouvrier et d'un enfant de cadre à l'entrée au CP sont multipliés par deux entre l'entrée au CP et la sortie du primaire. C'est vrai que notre école a permis une prolongation importante des scolarités. Il reste que il y a quand même encore énormément de problèmes à résoudre et que pour l'essentiel, ces problèmes, ce sont les enfants des classes populaires qui les payent. Alors c'était Malandro veut poser une question très courte. C'est une question très très courte. Juste avant, je voulais répondre à monsieur, c'est comme on disait tout à l'heure au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune, qu'est-ce qu'il veut? Être footballeur, c'est-à-dire que les valeurs qu'on a aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'avant. Donc il n'a plus d'intérêt à travailler à l'école. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'il ne suffit pas de mettre la philosophie dès la primaire, tu rentres en CP, CE1, philosophie, et c'est pas ça qui va sauver la scolarité, le système scolaire. C'est-à-dire, rentrer la philosophie, ça va apprendre aux jeunes à réfléchir dès la primaire. Bon, je pense qu'on terminera là-dessus, mais je m'inscris complètement en faux contre cette idée qu'aujourd'hui les jeunes n'ont plus envie d'apprendre. C'est absolument pas vrai. Toutes les enquêtes montrent que chez les parents, il y a un très fort souci d'études longues pour tous les enfants, que ce souci n'est pas réductible à la question du chômage ou l'accès à un emploi. On a une expérience historique très instructive à cet égard, c'est que l'école unique, c'est-à-dire la possibilité pour tout le monde d'entrer dans le secondaire, donc je le disais tout à l'heure, ça s'est réalisé dans les années 60, que le chômage de masse démarre au milieu des années 70. Or, entre 63 et 72, la proportion de parents ouvriers qui voulaient que leurs enfants fassent des études longues, donc sans qu'il y ait derrière l'enjeu du chômage, cette proportion, elle est passée de 15 à 65%. Autrement dit, nous vivons dans un pays dans lequel les classes populaires vivent une frustration historique ancienne et forte à l'égard de l'appropriation du savoir. Et moi, j'ai fait ma thèse d'état dans les années 80 sur les transformations du monde ouvrier, et ce qui venait très fortement, c'est que la signification des études dans les classes populaires, c'est pas gagner beaucoup d'argent, c'est pas avoir échapper au chômage, etc. C'est une question de liberté, c'est la question de pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie, pouvoir choisir librement son métier. Si on a un diplôme, on peut être maçon si on a envie d'être maçon, on peut être musicien, on peut être ce qu'on veut, mais on peut librement choisir son métier. Et je vois pas effectivement qui ça gêne qu'un maçon ait un bac d'enseignement général. La philosophie. Sur la philosophie. Ce qui caractérise notre enseignement primaire, c'est qu'on fait beaucoup travailler les enfants sur l'imaginaire et le narratif, et très peu sur l'argumentatif et la logique, la réflexion, etc. La question est ouverte. Est-ce que ça vaut la peine de commencer assez tôt par faire réfléchir les enfants sur des problèmes de société, des problèmes en tout cas qui mettent en jeu non pas l'imaginaire des histoires, mais l'argumentation de la réflexion. La question est ouverte, j'ai pas de réponse absolument fermée, mais il me semble que si c'est possible, pourquoi pas. Après tout, quand on a des enfants, ça a été mon cas, j'ai des petits-enfants maintenant, ça les intéresse de réfléchir à des questions qui demandent de la réflexion et pas seulement de l'imaginaire. Alors ce débat va être à déplacer à une autre fois parce que c'est la fin de notre journée, voilà. Donc c'était la commission économie politique avec éducation populaire sur économie et éducation. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le Facebook ou Wikipédia ou des trucs comme ça, on est partout.